Retro Nouveau. Aujourd'hui à Retro Nouveau, nos impressions des jeux Mortal Kombat Vita, Kid Dracula, Pinball Arcade, Arkanoid, Ninja Gaiden 3 et Kid Icarus Uprising. La discussion, est-ce que les suites tuent certaines séries? Et un top 5 des meilleurs ports d'arcade à console. Bonjour et bienvenue à ce 26e épisode de Rétro Nouveau. Bonjour tout le monde. Ouais. Hey, je m'arrête tout le temps pour pas dire tabarnouche ou tabarouette. Colin. Ah, ça va venir, ça va venir. Bref, Colin, tabarouette. Je me retiens, man. Ah, t'es fait comme ça. Depuis que tu me l'as parlé, là. Ah, moi, ça me dérange pas, là. Non, là, c'est mon shtick. Ouais. C'est correct. J'ai vu à TV, tu sais l'émission, genre le monde qui ont des habitudes spéciales. T'sais, toi, il y en a qui mangent du Ajax puis de la vite ou qui sniffent. Ils se mettent des costumes de lapin géant, man, pis ils se roulent dans le jello. Toi, si c'est juste de dire ça, c'est quand même correct. C'est juste de dire tabarnouche au début de chaque phrase. Ouais, je pense que j'aimerais mieux manger de la vite. Ça me cause bien des problèmes, tu sais. Alors, qu'est-ce que vous voulez, tabarnouche, un Whopper? Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, Bruno? Tabarnouche, mon gars, j'ai tondu le gazon. J'ai eu chaud en tabarnouche. Tout est fantastique. Ah, oh boy. Bon. Ben, c'est ça. Ben, commençons le show pour vrai, là. Oui. Tu voulais faire un retour sur tes critiques de la Monsieur Net. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, le retour, c'est pas. C'est rien de dramatique. Ça a l'air okay, vraiment. Ouais, je sais pas, tu sais, c'est quoi. Ouais, j'avoue, hein, sur l'ordre du jour, ça donne vraiment l'impression que je vais annoncer de quoi de grave. Ouais. Non, non, c'est juste que. Des fois, à Rétro Nouveau, je fais comme. Je fais comme un retour sur les critiques ouais. que j'ai faites à Monsieur Net. Là, j'ai fait des jeux de marde dernièrement. Okay. Fait que je fais pas vraiment de retour dessus. Ouais, simplement que, garde. En plus de ça, les critiques de Monsieur Net sont disponibles sur le web pratiquement le lendemain maintenant. À Monsieur Net. Oui, de okay. Monsieur Net sur le site de Musique Plus, musiqueplus.com/mnet. Toi, ton retour que tu parles de sur notre blog ou sur l'émission? Là? Non, je parle sur le podcast. Sur le podcast, okay. Ben, des fois, ce qui arrive, c'est que... parce que toi, c'est vrai, t'écoutes pas Monsieur Net, mais ce que je fais des fois, c'est que le jeu que j'ai critiqué, comme disons ce soir, j'ai critiqué Silent Hill HD Collection, ben si je veux en parler encore, comme l'autre fois j'ai parlé de Fez... Absolument. Ben, j'en parle sur le podcast. Par contre, s'il y a un jeu auquel j'ai donné un 4, un 5 ou un 2... Non, parlons pas. C'est ça, n'en mais parlons t'en, pas. T'en parles un peu sur le blog pareil, là, oh, parce que oui. sur notre blog, dans la section Monsieur Net, tu fais quand même tout le temps un petit lien vers tes critiques. Ouais, c'est ça, je fais un petit retour. Un petit billet, quand même, là. Fait que si vous voulez voir ce que Bruno a critiqué à Monsieur Net, on a la section Monsieur Net. On a la section. Fait que c'est ça qui est ça. Puis, hey, on fait... Parlant de blog, on fait du travail sur le site. Là, ouais, on voulait changer un peu le visuel du site, là, la bannière en haut, parce qu'on on a l'impression que ben, y a beaucoup de clics sur notre blog, tu sais. Oui. Puis, y a comme... Ça suit pas tant, je pense, les codes d'écoute, là, tu sais. Comme si le monde qui vont sur le blog... Ils savent pas qu'on a vraiment un podcast, finalement. Ou ils savent pas Rétro Nouveau, c'est quoi exactement. Fait qu'on a essayé de le mettre en image, tu sais, puis de l'écrire aussi. Oui. Que le monde comprenne vraiment qu'il s'agit de jeux vidéo vieux et nouveaux. C'est là, ça, finalement. Parce qu'il y a du monde qui, y a du monde qui pensait... Puis moi, j'ai eu un retour vraiment réel par rapport à ça, de gens qui pensaient qu'on était vraiment seulement un podcast puis un site de rétro. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on avait nos sprites là, que Yannick Belzil a fait, qui sont vraiment nice, merci. Mais c'est ça, on les a retirés parce que il y avait du bois, il y avait nos sprites. Ouais, puis, c'est ça, les ça jeux souvenirs rétro, qu'on fait, c'est rétro et tout ça. Là, on voulait enlever un peu de rétro là-dedans là, pour que le monde catch que c'est pas juste rétro là, c'est l'affaire. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des trucs. Tu sais, moi, des podcasts rétro, j'en connais puis tout ça. Ouais. Mais des podcasts qui font autant de rétro que de nouveau, de next-gen, j'en connais vraiment pas encore. Puis là, tu sais. En plus, avec des animateurs qui sont comme vachement beaux. Ben là, oui, il y en a juste cool. un, nous autres. Ils disent tabarnouche à tous les deux minutes. Oui. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on a fait ça, on a changé le Facebook aussi, le Twitter s'en vient, là. Oui. On n'a pas eu le temps cette semaine. Moi, je suis loadé cette semaine. Ben j'ai pas blogué ben, justement. Je me sens bien mal. Mais c'est ça, on va tout arranger ça, là. Ben mais, ouais. Dans le temps comme dans le temps. C'est ça. Parce qu'on veut, c'est ça, que le monde comprenne bien là, notre concept, là, finalement. Donc, c'est important. Voilà. Puis si vous nous écoutez puis que vous comprenez pas le concept, si vous nous écoutez, je pense que vous avez bien saisi le concept là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pour les autres là, dans le fond là. Pour les nouveaux arrivés. Pour les noobs de rétro nouveau là. Ben, c'est drôle, moi des fois, il y a du monde à qui je parle sur la bière est difficile. Mm-hmm. Non, c'est ça, c'est des fois je parle à des fans, soit des fans de Monsieur Net ou des fans de rétro nouveau. Ouais. Du site. Qui savent même pas qu'on a un podcast, tu sais, les gens qui viennent de découvrir, hey, je viens de découvrir, vous avez un podcast, puis je suis tout le temps comme, voyons donc, tu sais, je suis comme un peu, c'est clair. Comme tabarouette, c'est ça la raison c'est ça, du site, en fait, c'est parce qu'on a un podcast qu'on a fait le site, tu sais, fait que, ben, tu sais, je saute pas d'en face à personne, mais je suis tout le temps un peu surpris, je suis tout le temps comme, aïe, mais tu sais, c'est vrai, c'est à cause que le message est pas assez clair, fait que là, on rend le message le plus clair possible. Ben aussi, on a un Tumblr, puis on a un template préétabli. Moi, j'aimerais highlighter là, des sections, comme faire des genre nouvelles, puis en dessous des liens, whatever. Mais bon, on n'est pas... en fait, on est zéro comme bon en programmation c'est ça, web. Zéro, alors c'est voilà. Bon peut-être qu'à un moment donné, si on veut se payer un vrai site, là, ça va coûter des milliers et des milliers, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, on pourrait le faire, puis là, tout le monde comprendrait vachement bien. Mais là, on n'a pas vraiment le contrôle sur l'interface, à part la bannière en haut, puis qu'est-ce qu'on met dans le menu. Donc, on essaye que ça soit clair au premier coup d'œil. C'est notre gros possible. Mais that's it. Fait que les jeux cette semaine, moi, je voulais commencer par Mortal Kombat. T'as ressorti ta Vita, vu que t'avais rien à jouer là-dessus. Il y avait rien depuis un mais bout. Mais non, il y avait des affaires, mais c'était pas des gros jeux, tu sais. C'était des jeux en téléchargement, tu sais. Un peu comme la 3DS pendant un bout de temps, c'était un peu ça, là. C'était du téléchargement plus voilà, que du jeu retail là, sur les tablettes. Parce que même Jim Sterling... De Kotaku. Oui. Il s'est comme plaint dans un article là, qu'il n'y avait rien sur Avita puis qu'il espérait que ça lève un peu et tout ça. Oui. Là, je t'inquiète pour ta console, Bruno. Là. J'espérais que, tu sais, elle foire pas. Là. Ah oui, non, c'est sûr. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, que Sony a fait un bon move en sortant vraiment un line-up de lancement. Ben, il y a un gros line-up quand canon. Même. Canon. Mais en même temps, ça fait comme un peu des bébés gâtés. T'sais. Ouais, absolument. Ce que ça donne, c'est qu'au début, tu fais comme « Ah, c'est le meilleur line-up au monde! » Fait que là, t'achètes tout au début dans le premier mois. Ouais. Puis après ça, t'as tout fini. Puis là, t'as plus rien. T'sais. Fait que, t'sais, il aurait peut-être dû être un peu plus sporadique. Temps, prenez votre temps, c'est mon ça, Dieu. Ils auraient dû prendre leur temps. Là, parce ben, que... pas juste ça, les consommateurs aussi. Moi, ça me fait... quand même là, c'est beaucoup d'argent là, acheter tous ces jeux là physiques, tu sais, ça fait pas longtemps que c'est sorti ça là quand même. Mais ben, moi ce qui arrive avec la Vita, c'est que j'aime tellement la console que tu sais, je suis prêt à jouer à des jeux auxquels je joue même pas normalement sur une console. Fait que tu sais, c'est pour ça que je veux de quoi pour jouer dessus. Ouais. Mais en tout cas, Mortal Kombat est sorti dessus, c'est un jeu qui coûte 40$ pour la PS Vita exclusivement. Évidemment, il y a une version pour la PS3, mais puis pour la 360, mais cette version-là, on pourrait dire que c'est la version définitive. Parce que t'as tous les personnages, en plus de tous les personnages qu'il y avait en téléchargement. OK. Bon. Fait que genre, tu sais, Freddy Krueger, Rain est là, un autre espèce de samouraï dont je me souviens plus le nom, tu sais. Il y a 4 personnages que tu avais en téléchargement qui sont dans la version de la Vita. Okay. Puis en plus de ça, tu peux aussi faire des nouveaux challenges. Il y a tout le temps la tour des défis. Ouais. Puis tu as une tour des défis bonus. Puis là-dedans, on te donne des trucs qui ont rapport à Vita. Fait que, mettons, des trucs avec les contrôles tactiles pis tout ça. Okay. Au début, je me disais, c'est une gimmick, comme à peu près tous les jeux qui essayent les contrôles tactiles, ça marchera pas, pis ça va être de la merde. Fait qu'hier, c'est la première affaire que j'ai essayé dessus, pis c'est le fun. Ah ouais? C'était écœurant, les façons qu'ils ont trouvées, ils ont vraiment été inventifs avec la façon d'utiliser l'écran pis tout ça, tu sais. Il y a un jeu dedans, à un moment donné, c'est comme un genre de Fruit Ninja, mais avec des crânes puis des cerveaux. Okay. Fait que ça marche, puis tu shakes ta Vita pour pouvoir éliminer les bombes. À un moment donné, Scorpion tombe du ciel, faut que tu le laisses, faut pas qu'il touche le plancher, fait que faut que tu lances des missiles en tapant sur ton écran pour pas le faire tomber à terre. Il y a aussi des fatalités que tu peux faire en faisant des mouvements à ton écran, tu sais. Fait que c'est le fun, mais encore une fois, comme dans, mettons, Marvel vs. Capcom, on te force pas à utiliser les contrôles tactiles. c'est une suggestion, c'est ouais. là, si tu peux avoir du fun avec ça, mais tu peux être complètement classique pour faire tes affaires de façon classique, tu sais. Mais là, t'es-tu en train de me dire que cette version-là est comme plus complète? C'est ça que tu devrais avoir au lieu que la version ben PS3? À 100%. Ah, ouais. Sauf que la différence, c'est vraiment le graphisme. Le graphisme a mangé une petite claque quand même. Tu sais, c'est pas le plus beau jeu de Vita quand même. OK. Parce que il est tellement complet, ce jeu-là. Il y a tellement de stock dedans. Tu sais, t'as un mode histoire. Tous les modes de combat sont là. Les modes de combat en équipe. T'as la tour des défis originale de 150 défis qui était dans la console est là, intacte. T'as des défis bonus pour la PS Vita exclusivement qui est là. La crypte, toutes les patentes qui se retrouvaient dans la version console est là. Okay. Un excellent mode en ligne avec toutes les petites affaires que tu voudrais dans un Mortal Kombat sont toutes là. Tous les combattants qu'il y a dans le jeu sont toutes là. Fait que tout est là. Absolument okay. tout. Puis, ils ont réduit le niveau du graphisme un peu pour permettre de ne pas perdre le frame rate qui est, dans le fond, le taux de rafraîchissement. Ouais. Les images par seconde. Ils ont réduit un peu le graphisme. Ce que ça donne, dans le fond, c'est que les personnages sont pas aussi définis que les versions consoles, mais sont quand même très beaux. Okay. Puis aussi, des fois, c'est les interfaces. Tu vois que les interfaces sont peut-être pas à la définition maximale, sont légèrement floues. Mais le commun des mortels verra jamais rien de ces problèmes-là, puis il va avoir du fun pareil. Puis moi, hier, j'ai joué en masse à ça, puis ce jeu-là, il y a des problèmes, mais sont vraiment minimes. C'est vraiment okay. des petites affaires. C'est vraiment pour chialer, là, parce ouais, que ouais, ouais. c'est vraiment solide comme jeu. Puis une des affaires les pires dans ce jeu-là, c'est que là, j'ai joué à la version française, la version sur un PS Vita. Fait que quand tu joues au mode histoire, ce qui est drôle, c'est que les cutscenes sont faites en français, sont doublés en français, okay. mais les combats sont pas doublés en français. Mm. Ce qui fait que, admettons que Johnny Cage arrive, puis il dit « Alors, poupée, t'es prêt à te battre avec un vrai combattant? Oui, je suis le meilleur man of all time. » Là, c'est ça, tu sais, il parle en français, ouais, sa voix est quand même assez poche, mais tu sais, il parle en français, puis là, dès qu'il commence le combat, c'est comme, tu sais, ouais. « Je suis le meilleur man of all time. » Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, fait que là, il mélange l'anglais puis le français ouais, okay. à cause que le bout de combat, est en anglais. Est inclus t'sais. Là-dedans, ouais, c'est je comprends. Ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment weird, ça fonctionne ouais. pas, tu sais, mais c'est minime. On s'en fout, là. Genre, vraiment, là, de toute façon, on joue en anglais. Pour des trucs à chialer. Ouais, c'est ça, on joue plus souvent en anglais, ben tu sais. Oui. Mais pour 40$, là, sérieusement, là, j'en reviens pas comme t'as du stock. Puis pour prouver à quel point les créateurs de Mortal Kombat respectent les fans, si t'achètes la version digitale ou t'achètes la version physique, il n'y a pas de online pass dedans. Il n'y en a aucune. Okay. Ce qui fait qu'ils font pas plus d'argent avec un online pass. Ils ne chargent pas plus cher à cause qu'il y a un online pass. Puis ça, c'est un gros problème de tous les jeux maintenant. Quand tu l'achètes digital sur PS Vita, ça te coûte 35$. Donc, 5$ de moins. Mais tu n'as pas la passe online. Il faut okay. que tu payes le 4,99$ de plus pour avoir. Puis quand tu l'as, dans le fond, ta copie physique, elle te coûte 40$. Puis elle est inclue à l'intérieur. Tu as un petit papier qui te permet de la débarrer. Comme, admettons, dans Unit 13, c'est fait comme ça. OK. Fait qu'eux autres, ils ont fait de la merde. On le vend 40$, puis tu as tout. Puis il n'y a pas de online pass. Tu n'as pas besoin de payer rien de ouais, plus. Ouais, c'est ça. That's it, c'est là, c'est fait, tu sais. Fait que je trouve ça écœurant. Moi, c'est ça qui est drôle, c'est que Mortal Kombat, j'ai payé 60$ sur PS3. Ouais. Puis cette version-là est meilleure, c'est sûr. J'ai juste quand je vais avoir des chums chez nous, je vais jouer à la version console qui est solide en maudit. Ouais. Mais regarde, j'ai bien plus de fun à jouer sur ma Vita à ça. Là. Hier, je me suis battu contre Big Baden JF, qui est solide René quand même Cadieux comme combattant. Game Focus. Ouais, René Cadieux, c'est ça, de Game Focus. Puis c'est vraiment le fun, des petits quickies de même, ça se fait bien. Fait que acheter ça tout de suite, c'est... Je pense vraiment là, que ça serait l'incontournable de la PS Vita, mais qu'il n'y a rien à dire dessus. Là, que c'est un essentiel, il le faut absolument. Bon, moi, je vais enchaîner avec un jeu que j'ai eu, man, puis j'étais très content. Ben oui, on en avait déjà parlé. En plus. On en a parlé dans notre spécial Castlevania, il y a, ma foi, des années. Et puis, c'est, ça s'appelle Kid Dracula. Ouais. C'est un jeu de Game Boy. Et puis, c'est un genre de spin-off de Castlevania, tu sais. Mais pas vraiment de Castlevania dedans, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est le Kid Dracula, tu dis, bon, c'est le fils de Dracula. Donc, c'est Alucard, tu sais. Mais non, c'est pas ça. En fait, ce jeu-là, c'est la suite d'un jeu de Famicom qui est sorti en 90 qui s'appelait Boku Dracula-kun. Puis ça, c'est sorti juste au Japon seulement. Okay. Fait que ça, c'est... Kid Dracula est sorti au Japon et en Amérique en 93, puis c'est ça, c'est la suite. Ben, ça okay. reprend des éléments, beaucoup du premier, tu sais, mais on, c'est vraiment considéré comme une suite. Ouais. Donc, il y a un méchant là-dedans qui s'appelle Garamoff. Okay. C'était lui le boss, dans le fond, dans le premier, dans la version japonaise. Ouais, ouais. Il est revenu, c'est le boss de fin, puis il faut que tu passes le tableau pour aller le buter. Puis, fait intéressant, c'est que Garamoff, ils l'ont repris, puis ils l'ont mis dans Castlevania Symphony of the Night. Okay. Puis ils l'ont appelé Galamoff. Puis c'est l'espèce de grosse bébite méga qui fait genre deux écrans de haut, okay, qui ouais, lance ouais, des ouais. éclairs, là. Tu sais qu'il y a une genre ouais, de... Ouais. Puis c'est comme une tête là, de rhinocéros, là, vraiment en fait, là, ça à hauteur. Tu t'en souviens comment ouais, t'arrives là-dessus, t'es comme oh, shit, là, ouais. il est big, là. Ah, on est vraiment dans la merde, c'est ça. Fait que non, ça c'est vraiment cool. Puis dans le fond, c'est un platformer. Ouais. Excuse. C'est un très sympathique petit platformer, tout simple. C'est vraiment cartoon, là. Ça me fait penser à River City Ransom, si je me souviens bien, pour ce qui est du personnage, un peu rond, un peu... Ouais, les yeux fermés, genre ouais, un peu bobule, là. Ouais, c'est vraiment, ça. Mais tu sais, il... C'est cute, là. He doesn't care, là, tu sais. Ouais, il commence au début, t'as pas de magie. Puis là, Def et ton ami, ils disent, hey, « Ouais, mais maître, OK, vous partez tuer Garamoff, là, mais votre magie... » Ah, oh, je m'en rappelle plus, là. M'en souvenir en chemin. Fait à chaque tableau que tu passes, t'as un spell, tu sais, que okay. tu peux réussir à te souvenir, dans le fond. Fait que chacun de ces spells-là, mettons, le premier, c'est de te transformer en chauve-souris, voler ouais. un peu partout. Il y en a un que ça fait comme un spray gun à contrat, ça tire des balles okay. partout. C'est super pratique. Ouais. T'as un parapluie, tu sais, avec lequel... C'est le parapluie de Dracula, faut que tu y fasses attention. Ils font ouais. vraiment un running gag dans le jeu avec ça pour bloquer des balles, tu sais, puis pour se cacher en dessous. Okay. Et puis, quoi d'autre, genre une bombe, des affaires comme ça, donc... À mesure que tu avances, tu pognes des power-ups finalement. Puis okay. ils t'obligent à te servir de ces power-ups-là dans les tableaux qui viennent. Là. À un moment donné, tu peux pas passer si tu penses pas qu'il faut que tu te mettes le parapluie pour bloquer des balles parce que le plafond te tombe sur la tête. Okay. Ou ça te prend les bombes pour péter des affaires pour pouvoir passer, des affaires comme ça. Oui. Fait que c'est ça. Puis, c'est ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est que ton personnage, il est un peu slow-mo. Ton sprite, il est gros, tu sais. Puis le personnage, il est slow. J'avais aussi l'impression genre que t'as une brique d'un pied quand tu sautes. Oui, c'est ça, c'est oui, l'affaire oui, des platformers oui. que je déteste. Mm-hmm. Ben, c'est ça, ben, tu finis par t'habituer. T'as l'impression t'habituer, que t'es là. Lourd. Là. Un peu comme dans Castlevania. Là. T'as toute l'impression que ton bonhomme est lourd. Là. Ouais, mais non, ben, Castlevania, il répond plus. C'est plus, mettons, quand okay. tu sautes, là, t'es comme... Ouh, okay. C'est pas cling-clang. C'est vraiment, tu bobbles un peu là. Dans les airs. Là. Puis tu tombes au ralenti okay. un peu, là. Ton personnage, il pourrait aller plus vite. C'est, okay. c'est un défaut. Si c'est, le personnage avait été animé un petit peu plus vite, là, ça aurait été vraiment parfait. Là, okay. Mais ça m'a gossé un peu. Mais overall, les tableaux sont super le fun. Sont très variés. Ouais. Ils sont pas riches au niveau graphique là, dans le background. Il n'y a pas genre des tonnes d'affaires, là, ouais. des détails partout. Comme il y en a dans Castlevania 2, Belmont's ouais. Revenge, justement. Mais, tu sais, tous les ennemis sont gros, eux autres, avec. Tu le vois à face, ben comme faux, ouais, là, ouais. les sourires et tout. Fait que ça marche super bien. Musique excellente. Rien à redire là-dessus. Okay. J'étais un peu déçu, par exemple, qu'il n'y ait pas vraiment rien de Castlevania dans ce ouais, jeu-là. C'est ça. À part le nom, le nom japonais, tu sais. Dracula-kun, je pense, c'est le même Castlevania ouais. au Japon, je ne sais pas trop. Puis, il y a juste dans le premier stage, à un moment donné, la toune, elle a une twist, un petit segment de la toune du premier stage de Castlevania 3. Okay. Ça, je l'ai reconnu. Puis pour le reste, tu sais, il n'y a vraiment rien, là, dans le fond. Ben, c'est fait ça. Que... Mais je m'attendais pas à un Castlevania de toute façon. Non, t'sais. C'est ça, parce qu'il dit que c'est comme une suite fictive. Ouais, c'est comme un spin-off de Castlevania, finalement. Puis ton père, c'est Dracula, puis on le voit ouais. pas. Il y en est question juste une fois, tu sais, mais il mentionne rien là, de Castlevania. Même pas de clin d'œil ni rien d'autre ben, là, que le petit bout de musique. Mais les tableaux sont cool. À un moment donné, tu sais, tu vas vraiment à la verticale. Dans okay. Tu montes un tube là, hyper rapide. Le plafond tombe sur la tête. T'as des briques qu'il faut que tu casses. Tu sais, c'est quand même varié là, dans le fond, dans ce qu'il y a. Là. C'est pas juste plateforme. Tu sais, il y a des twists là-dedans. Là. Oh, à un moment donné, il y a un arbre qui t'aspire. Il y a des faces d'arbres de chaque côté du stage. Ils t'aspirent puis te redescendent en bas. Tu sais. Okay. Des petites affaires, mais vraiment cool. Puis les boss sont super sympathiques aussi parce que t'es dessus, puis là tu penses qu'il est mort, puis là il fait juste partir à la course puis pleurer, puis là il revient genre plus fort avec une hache dans les mains, genre là tu le butes encore, il est comme ah! Il se sauve encore en pleurant, là il revient avec une mitraillette, tu sais. Ça c'est super cool, les boss ils sont vraiment le fun là, même toutes les bestioles là-dedans sont super le fun, c'est sûr. Ton personnage est le fun, tu sais, c'est une belle ambiance dans le fond là. Fait que, écoute, moi, j'ai adoré mon expérience. Je l'ai fini. C'est allé quand même assez rapidement. Ouais, ouais, cool. Mais j'y revenais, tu sais. Okay. Je me forçais pas. C'est comme un soir, les soirs, j'avais envie de jouer à ça. T'sais. Ouais. J'aurais pu allumer mon PlayStation, mais non, j'avais envie de jouer à ça vraiment. Là. OK. Fait que la fin, c'était bien correct. Le boss de fin. Non, c'était un très bon jeu overall. OK. Puis, je voulais juste dire aussi que Kid Dracula, vous pouvez le voir dans Mystical Ninja, dans un item secret. Puis au Game Boy Advance aussi, Mystical Ninja au Game Boy Advance, c'est un sprite à un moment donné, un item secret. Je sais pas qu'est-ce qu'il donne, il doit donner des points là, sa petite face là, on la voit de temps en temps à Kid Dracula. Aïe aïe. Fait que si vous voulez jouer à ça, c'est disponible en copie originale à peu près 30$ sur eBay ou un bon deal. Moi je l'ai eu 20$, je l'ai négocié un peu là, mais voilà. Puis non, c'est un bel ajout, c'est un bel item à avoir dans sa collection. Non, mais justement, moi, je vais vous parler d'un autre jeu de PS Vita, Pinball Arcade. Mais c'est un jeu qui est sorti sur PS Vita et PlayStation Network en même temps. Puis si t'achètes la version PlayStation Network ou PlayStation Vita, t'as l'autre. Dans le fond, c'est comme t'as les deux versions, même si t'en achètes juste une. Puis c'est ça ce que moi j'ai joué surtout sur PS Vita. Je l'ai essayé sur PlayStation Network aussi sur ma PS3, mais j'achetais plus ça pour la PS Vita après avoir lu un article sur Destructoid. Puis j'ai jasé d'ailleurs avec le journaliste qui a fait cet article-là, parce que les fans de machines à boules se font très rares dans notre monde. Ah oui? Fait que moi, dès que j'en trouve un, j'en parle avec. J'ai vu sur Twitter en parler avec ça. Fait qu'on a eu, en tout cas, on a eu bien du fun à parler de ça. Puis d'ailleurs, il m'a fait découvrir quelque chose, parce que ce jeu-là, c'est un jeu qui prend 4 machines d'arcade qui ont vraiment marqué les gens qui ont joué finalement. C'est des machines de. C'est pas des machines de Midway. Je me souviens plus, c'est des machines de qui, je l'ai pas dans la tête présentement. Okay. Mais t'as quatre tables. C'est des tables quand même assez classiques, assez vieilles. Puis tu peux jouer à la verticale sur ta PS Vita. Ah, nice. Chose que je savais pas, parce que c'est pas expliqué nulle part quand tu télécharges un jeu. Fait que quand tu tournes ta Vita, ça se met automatiquement. Ça se met automatiquement. Wow. Puis tu peux activer les deux flippers en tapant sur l'écran à gauche puis à droite. Puis si tu shakes ta Vita, ça fait tilter la machine, c'est un problème. C'est vraiment écœurant, parce que t'as vraiment le feeling là, pinball. T'sais. Il y avait ça aussi sur la PSP, c'est arrivé qu'il y avait des jeux de pinball, puis tu pouvais décider de jouer à la verticale avec ta PSP, puis ça allait quand même relativement bien. Mais là, avec l'écran tactile, tu tiens... c'est niaisant à dire, mais c'est quasiment comme si tu tenais ta PS Vita comme une pinball, tu la tiens dans tes mains là, ta machine. Puis c'est vraiment écœurant, c'est vraiment un jeu qui est pas terrible quand tu y joues en widescreen. Ok. Mais dès que tu tournes ta Vita sur le côté, le jeu prend une coche là, monumentale là, tu sais. Puis j'espère que Zen Pinball vont sortir Marvel Pinball sur la Vita, puis qui vont faire la même chose, qui vont faire ça à la verticale, parce que ça fonctionne à merveille. Puis c'était écœurant, j'ai regardé un making of du jeu, puis je l'ai mis sur le site en passant si ça vous intéresse. Okay. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens qui font ces machines-là, c'est tout un art, parce qu'ils démontent toute la machine, chaque pièce est modélisée individuellement à l'ordinateur. Parce que ce qu'il disait, c'est que pour recréer une machine à boules, pour que la physique soit parfaite, Ils refont comme une vraie machine, mais oui. virtuelle. Exact. Okay. Puis ils donnent vraiment les vraies propriétés à chaque matériau. Ah ouais. Fait que c'est vraiment cool parce que pour les puristes comme moi, tu sais. Ils font pas juste comme programmer le jeu, bon. Non. Okay. Puis ça, t'en as souvent, mettons, sur iOS, des petites machines à boules, puis là, tu fais comme. Pff, c'est de la merde parce que la physique est pas bonne. La physique, c'est Dieu dans un pinball digital, tu sais. Faut absolument que ça soit, là, nickel, là. Puis là-dedans, c'est vraiment réussi. Au début, quand j'ai acheté le jeu, je t'avoue que j'étais un peu déçu de la sélection des machines parce que les machines, tu sais. C'est des vieilles machines, tu sais, il y en a une que c'est Ridley Believe It or Not avec la petite tête de momie, il y en a une autre c'est une espèce de machine de l'espace que j'avais déjà vu dans une arcade où t'as un autre plateau en dessous de la machine. Okay. Fait que tu rentres ta balle rentre dans un trou puis tu te retrouves en dessous du plateau dans un autre petit carré puis tu joues à l'inverse, tes flippers sont en haut. Fait que c'est pas évident de jouer à ça. Puis j'avais déjà joué à ça en vrai. Puis c'est vrai qu'elle était écœurante, cette machine-là. Mais c'est des vieilles machines. C'est des machines, là. D'après moi, sont comme toutes entre 70 et 80. Là, t'sais. C'est 1970-1980. Puis il y en a un autre que c'est une machine genre Arabic Nights ou je sais pas trop quoi. Un thème un peu arabique. Puis il y en a un autre, c'est une autre machine d'aventure. T'sais. Mais. Bref, tout ça pour dire que ces quatre machines-là sont intéressantes, mais ce qui fait que c'est intéressant, c'est vraiment de jouer sur la Vita à la verticale. Vraiment trippant, vraiment bon jeu. Tu sais, ça coûte juste 10$. Ça vaut vraiment la peine. Là. Si t'as besoin d'un bon fixe de pinball, là, il est arrivé. Wow. On s'en va en musique avec Mega Man X au Super Nintendo. Ça va être la musique du stage de Storm Eagle. Dark. Moi, je dis Arkanoid. J'aime pas Arkanoid. Arkanoid, voilà. Puis, version NES. J'ai acheté dernièrement. La pochette est belle. Elle est belle. Ben, je vais pas vraiment vous parler... C'est comme Legend of Cage. Tu brûles mes poches. Excuse-moi. Je vais pas vraiment vous parler d'Arkanoid, dans le fond. C'est vraiment la version classique, comme l'arcade. Ouais. Genre, pareil, là. Vous avez tous joué à ça. C'est genre le plus grand Brick Breaker de tous les temps. C'est magnifique, ce jeu. C'est vraiment le fun et super agréable. Mais moi, ce que j'aime Ben, ce que j'aime, c'est la pochette, comme tu dis. Ouais. Je suis content d'avoir pour la pochette parce que c'est un genre de dégradé de orange à jaune à vert. Ouais. Puis c'est la même teinte. C'est un vieux jeu de Taito. Fait que ouais. C'est la même teinte que Legend of Cage, comme ouais. T'as dit. Puis la même que Elevator Action. Yes. Puis la même que peut-être d'autres. Mais ça, je sais pas. Ouais. Fait que, puis j'ai lancé l'appel sur le blog. Parce que j'ai posté ce jeu-là dans la section ouais. Acquisition. Si vous connaissez d'autres jeux de NES, vieux jeux de Taito, avec cette pochette, avec un background de dégradé, faites-le-moi savoir. Je suis désormais en mission et je veux tous les jeux de Taito. Ils sont tous plates, ces jeux-là, à part Arcanine. Mais ouais, Legend of Cage, c'est atroce. Ouais, c'est pas le fun. Hein? Ouais. Non, ben, je veux quand même ces jeux-là parce que ça fait beau. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Puis aussi, ce jeu-là, Arcanoid, il venait à base où tu pouvais... Je sais pas comment ça fonctionnait, mais il y a une manette qui était vendue oui. avec. Oui. Puis tu pouvais... Je sais pas si ça venait en bundle avec le jeu ou tu pouvais l'acheter non, séparément. Non, je pense que tu l'achetais séparément parce que ça marchait aussi avec d'autres jeux. Ah ouais? Je me souviens même d'un jeu de baseball sur une NES qui fonctionnait avec cette machine-là de roulette. Là. Ouais, mais c'est comme... Ouais, fait... tu battais avec. C'est... Ah ouais? Ben, c'est comme une manette faite sur le haut, là. Tu ouais. sais, comme une télécommande de TV. Ouais. Puis c'est pas une boule, tu sais, c'est pas un trackball. Non. C'est vraiment comme une affaire que tu... C'est comme une roulette, c'est comme là. Un bouton de volume que tu montes ouais. tu descends, finalement. Mais en tout cas, paraît que c'est le feeling c'est est vraiment bon. C'est un certain bon. Charme, là. C'est ça, paraît que c'est vraiment bon de jouer ouais. avec cette manette-là à ce vieux Arcanoid, mais j'ai regardé sur eBay, c'est genre 50-60$. Ouais. Fait que là, je vais pas mettre ça là-dessus. Puis il y en a très peu, il y en avait ah, juste oui. une sur eBay, là, tu sais. Ah que, ouais. Si vous avez ça chez vous, là, wow, gardez ça. Parce qu'Arcanoid à l'arcade, c'est un trackball. C'est un trackball, là. Ben, ça, c'est tellement. Je pense pas que c'est un trackball, c'est un bouton de volume que tu montes puis tu descends. Mais aussi. Ça, ouais, c'était ça. Ouais, c'est millipède, puis centipède, c'est un trackball, mais Arcanoid, je me souviens que c'est un ouais. affaire que tu tournes. Oui, parce que sur le dessus, il était comme bleu flash, en tout cas, oh, je l'avais à mon centre ah, de chasse, Arcanoid. Mais écoute, ben, en même temps, Arcanoid, c'est tellement le fun. Ah ouais, c'est ça, vraiment là. Le fun. Puis le graphisme, c'est pas compliqué, puis ça non. le fait, puis c'est tout là. Ouais. Là tu sais, ça a l'air très semblable à l'arcade, là, à ce que je m'en souviens. Même ouais. l'arcade devait être un petit peu plus léché là, au niveau visuel. Mais je sais que, parce que j'ai rejoué à la version NES, puis comparativement à l'arcade, ils ont ralenti les affaires un petit peu. Ouais. Je pense qu'ils ont pas eu le choix, parce que quand tu joues avec une manette, t'as pas la même précision. Ouais. Tu sais, c'est pas aussi évident, fait que... Mais je trouvais que ça allait bien, pareil. Oui, ouais, ça va super bien. C'est vraiment... C'est bien synchronisé. Oui. Au NES, il est super bien dosé. Là. Puis il y a une version WiiWare aussi d'Arcanoid ouais. qui existe. C'est Arcanoid, j'ai oublié le nom. C'est genre le premier jeu downloadable que j'ai acheté avec okay. ma Wii. Genre, je suis comme ça. Hey, Arcanoid, c'est le fun, ça. Ouais. J'ai acheté ça, puis c'est vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est cool. Donc, ça vaut la peine, ça, avec. Alors, Arcanoid, disponible nulle part, encore une fois. Ouais. Juste en copie originale pour cette version NES, là. Ouais. Mais c'est genre 10$, 12$. C'est vraiment pas ça, la même affaire. Ça. Puis je suis content de l'avoir acheté. Je vais l'amener à Tremblant, je pense. Ouais. On pourra jouer à deux. C'est pas deux en même temps, mais tu sais, c'est le fun ouais, de jouer même. À ça. Là. C'est un classique. Le fun. Moi, la semaine passée, je me disais comme tabarnouche, je me pose trop de questions sur ce jeu-là. Je vais aller le louer. J'irai pas l'acheter, mais je vais aller le louer. Fait que ouais. je suis allé louer Ninja Gaiden 3. Ouais, je suis content que t'en parles. Ouais, Ninja Gaiden 3 sur PS3 360, il coûte 60$. Puis c'est un jeu, je veux dire, toi puis moi, on est des méga fans de Ninja Gaiden, tu sais. Mais faut que je me cache un petit peu le visage avec ma main et dire aux gens que j'ai jamais joué à Sigma okay. ou à l'autre là, qui est sorti. Oh, ouais, ben... puis, mais j'ai joué en fait genre juste 15 minutes, là, okay. j'avais pas le temps et tout. Mais j'ai joué au DS, genre, c'est le mm-hmm. Ninja Gaiden le plus récent que j'ai joué au DS. Okay. Mais les deux, l'affaire c'est que les deux premiers, puis j'ai critiqué mais je sais que Ninja Gaiden 2. Dur, là, ça, là. C'était dur, mais en même temps c'était dur. Dépendant de ce que t'en faisais, c'est un peu comme Broken Sword t'as joué sur DS, tu sais, fallait Dragon Sword, excuse-moi, ouais, c'était bon, tu peux pas juste foncer dans le tas puis fesser, tu sais, fallait que tu te défendes puis que tu ouais. fasses attention, puis je veux dire si t'en avais un autre qui arrivait derrière toi, fallait que tu jump, que t'ailles ailleurs, tu ouais. pouvais pas juste rester là puis foncer dans le tas, tu sais. Puis le premier puis le deuxième, c'est vraiment comme ça. Le premier est sans pitié. Le deuxième te donne un petit peu plus de chance, mais reste assez difficile. Mais c'est un challenge qui est honnête, qui est correct, ouais, c'est correct. Parce que tu sais que tu peux réussir, tu sais. Ouais. Puis dans le troisième, ils ont eu autant, malgré ce que tous les fanboys vont dire, ils ont eu autant de bons commentaires que de mauvais commentaires sur Ninja Gaiden, parce qu'il y a certains joueurs qui osaient pas. Un peu comme Dark Souls, tu sais, il y a des gamers qui vont juste reculer devant ça, qui vont faire comme ça va être trop dur, j'aurai pas de fun, tu sais. Puis je les comprends, ben franchement, tu sais, je veux dire, ça se peut que t'aies pas le goût là, de jouer à un jeu qui va te faire arracher les cheveux. Fait que là, ce qu'ils ont fait avec le troisième, ils ont essayé d'y aller de façon un petit peu plus occasionnelle. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la même affaire qu'ils font dans le premier puis dans le deuxième, sauf que t'es plus badass. Ton but, c'est plus de détruire tout le monde que d'utiliser beaucoup de stratégies pour battre le monde autour de toi. Fait que t'as moins besoin d'être sur tes gardes. T'as plus de choses qui sont à ta portée, comme, admettons, quand tu vas frapper quelqu'un avec ton épée, ben c'est carré puis triangle. Moi, j'ai joué sur PS3, fait que pour moi, c'était carré, triangle. J'imagine sur Xbox, ça serait X puis Y. Ça serait X puis Y. Ou rouge, vert. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu mes couleurs. c'est ça, mais bref, tu sais, quand tu combats... c'est de la poudre aux yeux, là. Je veux dire, tu te bats, là, pis t'es littéralement l'être le plus brutal au monde, là. C'est facile. C'est vraiment violent. C'est quand même facile, mais plus ça avance, plus un challenge, tu sais. Okay. Ça serait facile de dire que ce jeu-là, c'est de la merde. Parce que t'as joué au premier tableau puis tu fais comme c'est tout du flash puis le reste on porte aucune attention au combat ou au platforming ou trucs comme ça, mais c'est un jeu qui évolue puis il faut y donner une chance. C'est pas un jeu parfait. Si j'avais fait la critique à Monsieur Net, tu sais, j'aurais probablement donné genre un 7 ou un 7.5 si ça peut vous situer là. Okay. Parce que c'est un jeu qui est le fun. T'sais, moi, ouais, j'ai eu du fun tout le long. Là. Je l'ai loué, puis j'étais super content, puis j'étais comme « Ah! » Je suis violent, je suis vraiment badass. Ouais, le problème de Ninja Gaiden 3, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est qu'il s'appelle Ninja Gaiden 3. Ouais, si ça s'était appelé Ninja Gaiden Broken Destiny of blah blah blah, une autre affaire, le monde aurait fait comme « Ah, OK, mais c'est pas le troisième, ça, là. » Puis le monde aurait eu du fun pour ce que c'est. Tu sais, c'est vraiment, c'est un... Ça me fait penser, c'est comme un espèce de... Je pensais à Metroid Prime et Metroid Other Rim. Ouais, ben, c'est comme un mélange. Ninja Gaiden 3, c'est un mélange en Ninja Gaiden 2 puis God of War. Ouais. Je sais que God of War est répété souvent des références, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est souvent une référence pour les créateurs de jeux. Puis ça ressemble un peu à ça parce que t'as la brutalité de Kratos que tu dis que t'es capable de détruire n'importe quoi puis tu le vois... en motion, là, sur le dessus de son ennemi, en train de le trancher en deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu te sens badass, mais quand même, t'as la technicalité puis le côté un petit peu plus stratégique de Ninja Gaiden 2 à des moments plus tard. Je veux dire, il y a des missiles qui se lancent sur toi, puis il y a 4 gars autour de toi. Fait que t'as pas le choix là, de te sauver, de contre-attaquer. Justement, t'as un arc là-dedans à un moment donné. Fait que là, faut que tu sortes ton arc, puis tu tires ces ennemis-là. Fait que tu sais. Puis une chose que j'ai beaucoup appréciée du troisième, c'est que. On pouvait. Enfin se promener dans plusieurs environnements. Moi, dans le premier puis dans le deuxième, j'y trouve écœurant ces jeux-là, mais je trouve que on reste pas mal tout le temps au même type d'endroit. Ça se ressemble pas mal tout le temps, tout le long du jeu. Là, on voyage, là. Tu sais, c'est comme, on pourrait même dire, faire un parallèle avec Uncharted, parce qu'on se promène dans le monde, puis à un moment donné, t'es en avion, puis là... Là, tu pèses ton piton, puis là, il se pitch en bas, puis il est dans les airs, puis il vole. Là, tu pèses ton piton, puis il rentre son sabre dans la face d'un gars. Puis là, le combat commence, puis t'en as partout, à gauche pas à droite. Fait que c'est trippant, tu sais, t'as de l'action, mon gars, là, sans arrêt. Fait que c'est super le fun, c'est un bon jeu. Puis même que moi, là, je suis allé porter ma copie, puis au moment où je suis allé porter ma copie, j'étais pogné à quelque part, j'étais pas capable de le passer. Fait que c'est pas vrai qu'il y a des moments dans le jeu que tu peux tout passer dans ce jeu-là. Il y a un défi, il y a un challenge. Puis moi, j'ai joué à normal, Puis à un certain point, je veux dire, j'ai frappé mon mur. Là. Il y a eu un bout où j'avais vraiment de la misère parce que il y avait plein d'ennemis. Puis tu sais, à un moment donné, ils ne pardonnent pas. Tu sais, t'es rendu en haut, puis tu marches sur une espèce de petit muret. Puis comme de fait, le muret défonce, puis tu tombes à terre. Tu sais, il n'est pas parfait, il se casse la gueule. Puis aussi là-dedans, Ryu Hayabusa, il y a comme son... Il a l'air possédé par un enfant. Ouais, c'est ça, son bras commence à être détruit. Puis les méchants là-dedans, t'as comme une espèce de méchant là-dedans avec un masque qui arrête pas de te faire la morale. Il est super cool. Il m'a fait penser au méchant dans Zelda Skyward Sword un petit peu... bouffon. Bouffon, burlesque. Arlequin, c'est ça. Puis tu sais, qu'il te fait la morale, puis qu'il est baveux, mais il est drôle en même temps. Fait que tu sais, il y a comme un côté bien intéressant au développement des personnages. Puis Ryu là-dedans, je dirais que tu sais, c'est le pire Ryu parce qu'ils ont décidé d'y enlever son masque à certains moments. Puis il a l'air d'un douchebag, tu sais. Ça fonctionne pas pantoute pour moi. Là. J'ai trouvé qu'il était comme avec sa petite couette, puis tout. Puis tu sais, je l'aimais pas bien. Fait que dès qu'il remet son masque, tout est cool, tout fonctionne. Mais donc, dès qu'il enlève son masque, j'étais comme non, on n'est pas prêt pour ça. Laisse faire, on met ton masque, tu sais. Mais c'est ça, en tout cas, en résumé, quand même. Ben, tu me donnes le goût de l'essayer, moi. Mais tu sais, moi je dis, louez-le, ça se loue des jeux. Ouais, c'est vrai, j'oublie ça. Obligé de tout acheter. J'étais tout dans la vie. Parce que moi, regarde, je l'ai loué au Vidéotron, ça m'a coûté 8$, je l'ai eu pour 3 jours, même 4. Puis, tu sais, j'ai eu du fun. Pendant ces 3 jours-là, j'ai eu énormément de fun. Puis, je veux dire, j'avais hâte le soir de rejouer à ça. Tu sais, j'avais ma critique de Silent Hill à faire pour Monsieur Net. Puis j'étais comme, ah fuck, faut jouer à Silent Hill. Parce que j'avais le goût de jouer à Ninja Gaiden 3. Fait que, lâchez vos préjugés, puis essayez-le au moins. Puis après ça, au pire, vous prêchez dessus de toute façon si vous l'aimez pas. Mais si vous aimez les jeux d'action vraiment brutal, où t'as du fun, où ça a l'air comme d'un gros film d'Hollywood où ça explose de partout, ben, tu vas triper. Oh. Tling. Eh oui, c'est la musique de Kid Icarus Uprising. Puis je m'en vais direct vous en parler. J'aurais voulu vous en parler avant, mais c'est tellement huge que même que j'hésitais à en parler cette semaine. Parce que moi aussi, je vais le finir, puis je vais en parler après, tu sais. Mais là, ça finit plus. C'est ça. Mais je pense que j'en ai couvert là, pas mal, tu sais. Parce que moi, j'ai pas osé le commencer parce que ça a l'air tellement énorme. J'attendais de voir ce que t'allais en dire. C'est énorme, puis j'avais peur de le commencer. C'est ça. C'est un méga long projet, là, tu sais. Mais écoute, c'est juste malade, là. C'est vraiment. C'est huge, là. Okay. C'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Puis ça vaut la peine, là, c'est sûr, là, c'est en 3DS. C'est... Oui. C'est vraiment hot. Bon, par où commencer? C'est le retour de Pit. Puis, c'est vraiment un jeu qui reprend les origines de Kid Icarus pour vrai, là, de vrai, tu sais. Puis, il les explique. Moi, c'est ça que j'aime là-dedans. T'apprends pourquoi tu voles pas. T'es un ange, puis tu voles pas, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il l'explique. Kid Icarus, tu sais, Icar, dans le fond, il voulait voler vers le soleil, puis il a jamais réussi. Fait qu'il vole pas tout le temps, tu sais. Okay. Il t'explique toutes ces affaires-là. Fait que, puis quand tu joues, toi tu joues dans le haut, dans l'écran du haut, dans l'écran du bas, t'as tout le temps Lady Palutena. C'est comme la déesse de la lumière, elle, dans le fond, puis toi tu travailles pour elle, là. Toi t'es le capitaine de l'armée de la lumière, là, finalement. Puis il y a tout le temps du dialogue en bas. Okay. Fait qu'elle t'explique des affaires au fur et à mesure. Puis ce qu'il y a de cool, ben ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'il ramène les boss du premier qui décarus au NES. Okay. Puis quand elle dit, bon là, attention, t'arrives à... Comment est-ce que ça s'appelle? En tout cas, à tel bébé, il te montre en bas l'image en 8 bits de la bébé en question. Cool. Puis là, t'arrives, tu te battes que là... Pit, il est comme, ah non, pas encore, tu sais. Mais ouais, c'est ça, j'avais vu ça dans un trailer, ils avaient tout montré, les vieux, tu voyais la vieille c'est version, ça, je les montres, ça comme ça. Puis c'est ça qui a de malade aussi, dans ce jeu-là, pendant que tu joues, t'es en constante communication avec elle, et avec tous les personnages que tu croises dans le jeu. Okay. Puis il y a de la joke là-dedans, là. Le script, là, c'est malade, là. Ça va tellement avoir été long, excuse de rédiger tout ça, là. Puis c'est pas juste des fois, ils sortent complètement du jeu pour te raconter une affaire par rapport. Il y a des bébites qui ressemblent à des Metroid. Fait que là, Il dit ouais, hey, ces bébêtes-là, tu trouves, ça ressemble à des Metroids, là, tu sais. L'autre a dit chut, chut, non, non, non, là, ça n'a pas rapport avec d'autres jeux, là. Il n'y a pas d'autres jeux ici, tu sais. Des niaiseries. C'est cool. Là, c'est joke après joke après joke, ouais. Là, c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, le gameplay, c'est pas compliqué. C'est séparé en chapitres. Chaque chapitre est comme un gros stage. Okay. Tu as la moitié du stage que tu fais en volant, puis l'autre moitié que tu fais au sol, en marchant, okay, puis en butant le monde. Parce que tu peux pas voler tout le temps, parce que t'es fait de même. Fait que dans le fond, t'es guidé automatiquement par Lady Palutena. Puis, mais il faut quand même que tu bouges dans l'écran des fois pour éviter, tu sais, un laser, ben, okay, puis, tout ce que les ennemis te garochent, puis mettons un poteau en plein milieu de l'écran, tu sais. Oui. Mais comme la voie est guidée, là, c'est pas toi qui cherches où aller, jamais, jamais. Là. Ok. Quand t'es à pied, oui, par exemple. Mais tu sais, tu te perds pas, là. C'est quand même assez simple. Côté contrôle, ça, c'est ouais, ça. Ouais, c'était ça la gros, c'était le gros problème. C'était le gros problème. Le jeu vient avec un trépied. Ouais. Moi, je me dis, oh, fuck off, là, le trépied, là, c'est pour les mous, ça. Mais non, ça vient lourd là, de tenir quand même dans 3DS. Parce que t'es vraiment, ben, t'es concentré, tu sais. Puis moi, je joue tout le temps full 3D aussi. Ça fait qu'il faut que ma console, elle soit bien alignée devant mes yeux, tu sais. Parce que sinon, le 3DS, tu vois mal, pis tout. Fait que non, ça vient lourd. Tu sais, je jouais dans mon lit, tu sais, couché sur le ventre, genre, ça va, mais ça vient lourd, là, je me rassois, je la cote sur mes cuisses, je bouge beaucoup, là, dans le fond, quand je joue dans mon lit, mais quand je joue avec le petit trépied, finalement, je l'ai essayé quand même, puis, ouais, tu peux jouer assis avec le trépied pendant, là, aussi longtemps que tu veux, fait que ça vaut la peine, là. Mais j'ai trouvé ça chiant un peu contrôlé. Un twin stick, un deuxième stick aurait été merveilleux, merveilleux. Mais ça m'a pris du temps à m'habituer à jouer avec le stylet, là, comme je te dis. Ça m'a pas découragé du jeu, mais à un moment donné, j'étais comme, ah, tu sais, là, ça fait bien chier, ça, là. Mais là, avec le Twin Stick, est-ce que tu sais que... Est-ce que ça enlève tout simplement le stylet, tu sais? Non, tu c'est plus ça. Avec le stylet ou tu ben, joues si encore vous avec l'avez, si vous l'achetez, le stick, ça va juste vous permettre, si vous êtes gaucher, de jouer... de l'autre bord, tu peux pas jouer Twin Stick jamais à Kid Icarus. Ça serait le fun quand même, parce que c'est quasiment comme un first-person shooter quand t'es dans les airs, c'est carrément ça. Ouais. Mais quand tu joues aussi à pied, c'est ça aussi. Okay. Là, mais en tout cas, on s'habitue, mais ça prend un peu de temps. Puis des fois, c'est fâchant parce qu'il se passe tellement d'affaires dans l'écran. Là, faut que tu te retournes de bord. T'es comme, voyons, avec ton stylet, tu donnes des kicks. Puis des fois, il part trop vite, là, tu sais. Puis là, t'es dans le monstre, là, tu sais, puis ça blasse partout, tu sais pas trop qu'est-ce qui arrive. Ça arrive souvent, là. Ah, c'est fatiguant, puis, les contrôles, quand tu marches, quand t'es au sol, faut que tu donnes deux petits kicks à gauche ou à droite ou en avant ou en arrière pour le faire courir. Mais des fois, les kicks, c'est comme trop sensible, tu sais. C'est comme, oh non, il est parti à la course, ah, il tombe dans le trou, tu sais. ça m'est arrivé vraiment souvent, là. Ça m'a vraiment écœuré. Ah, c'est rêve. Poche, ça a été fait par les créateurs de Super Smash Bros. Okay. Donc, si vous avez joué à ça, je pense, moi j'ai jamais joué, mais je sais qu'il y a un dodge où quand tu sidestep à droite, tu sais, en tirant, comme ça tire des balles, whatever, en tout cas. Okay. Je parle un peu en sachant pas trop de quoi je parle, mais ce move-là, il l'a dans Kid Icarus Uprising aussi, dans le fond, là. Puis il est très utile. Fait que, puis c'est totalement surprenant, l'histoire. Moi, je pensais que j'allais finir, là, tu sais, puis. Hey man, j'étais au cinquième du jeu, là, tu sais, comme, il y a des revirements, il y a des personnages qui arrivent, il y a des affaires pas possibles, l'histoire se croise, un moment donné, t'es même plus pit, là, un moment donné, t'es, okay, je veux pas spoiler rien, là, mais t'es un objet, là, tu sais, puis il y a d'autres personnages aussi, une espèce de dude, là, vraiment violent, avec une grosse épée, là, géante à deux mains, là, tu sais, un genre de personnage... que badass de jeu de Xbox, là, tu sais, justement, là-dedans, tu sais. Okay. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, non, c'est l'histoire, là, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Oui. Ça arrête pas de revirer tout le temps, là. C'est surprise par-dessus surprise. Aussi, une affaire très importante dans le jeu-là, les armes. Oups, excusez, j'étais en train de sélectionner ma game, là. Je l'ai devant moi parce que je veux rien oublier. Les armes, c'est vraiment hot. Il y en a un méchant paquet. Okay. T'es ramasses, tu peux en acheter avec tes cœurs, puis tu peux les fusionner ensemble. Ça, c'est très cool. Puis il y a vraiment, oups, il y a plusieurs catégories. Excusez, je vais aller dans mon gear ici. T'as des staffs, des bâtons, t'sais, des arcs, des clubs à deux mains, là, une espèce de gros bâton. Des orbiteurs, des affaires qui tournent autour de toi. T'as des épées, des griffes, des claws, des palmes, ça c'est avec tes mains. T'as des canons, t'as des armes. un coup de poing, là, dans le fond. Okay. Moi, les armes, les classes, les affaires à pas de portée, parce que t'as du combat de mêlée aussi. Ouais. Tu peux pas juste tirer tout le temps, du melee attack. Ça, t'en as beaucoup. Quand t'as un arc, ben là, tu tires de loin. Quand t'es proche, tu sacs des coups d'arc. Ouais. Là, t'es comme t'as une épée, tu sais, tu te dis, voyons, je vais juste donner des coupés. Non, l'épée, elle tire des lasers, tu sais. Tout tire un peu des lasers dans les airs, mais ils ont moins de portée, là, tu sais. Fait que, overall, moi, j'aime mieux me servir des arcs, là. Je trouve que ça va très bien. Puis c'est ça, c'est le fun de fusionner tes armes ensemble, okay, pour en avoir d'autres. Là. Puis c'est comme si c'était infini, là. Il y en a tellement, ouais, encore, là, que tu vois plus le bout de ça. Puis t'as des pouvoirs aussi que t'as en jouant dans le bas que tu pognes au cours du jeu. Mettons, du recovery, genre ça te redonne la life. Une armure, genre tu cliques là-dessus, puis t'sais, tu deviens plus fort, ou tu dodges plus vite, ou tu peux envoyer du poison. T'sais, il y en a plein, plein, okay, plein, plein. T'en as, tu sais, tu peux pas, t'en as deux par tableau, mettons, tout ça. Ça, faut tout que tu sélectionnes ça avant de commencer à jouer aussi. Ok. Tu peux t'en faire des tables différentes. Je veux ces cinq armes-là, ces cinq pouvoirs-là, ou là, ou là, tu sais. Fait que c'est à toi, tu customises dans le fond, ouais, ouais, tes pouvoirs et tes armes. Là. T'as aussi du Idle Toss, le genre de petit coco que tu ramasses en jouant. Je m'en rends même pas compte, je sais même pas comment je fais pour me ramasser avec ça. Mais dans le jeu, c'est rien, c'est, tu fais pas ça en jouant, c'est juste un goodie sur le side pour le, okay, fun. C'est des œufs, tu les mets dans le plat, puis là tu fais flipper le plat, puis ça te débloque un personnage que dans le jeu, whatever. Mais okay, c'est juste pour le trip de toutes les avoir. Là, ok. Il y en a plein d'affaires de même à débloquer, oh, ouais, à échanger en street pass avec les gens. Ça là, te donne, ça te donne plus de longévité millions au jeu. Là. Ah, totalement. Puis, ce qu'il y a de le fun aussi pour ces petits bonhommes-là que tu peux unlocker, ces petites images-là, si jamais t'as pas de petits cocos, oui, tu peux dépenser tes points que t'as en marchant avec ta 3DS. Quand tu marches avec ta 3DS dans tes mains, puis qu'elle est, oui, allumée ou qu'elle est sur sleep, t'as des coins qui s'accumulent. Oui. Chaque pas que tu fais est un coin, tu sais. C'est comme, oui, si Nintendo voulait te faire marcher. Fait que là, tu peux dépenser ces coins-là là-dedans pour avoir pour débloquer des affaires. Enfin, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose, tu sais. Je trouvais ça super intelligent. Fait que ça, c'est une autre affaire. D'accord, écoute, ça finit plus les goodies là-dedans. Là. C'est malade. Moi, même, il y a des cartes, là, je sais pas comment ça s'appelle, RV card. Ouais. Que tu checkes, là, avec ton Kodak, là, des affaires qui pas. Ça, moi, je m'en fous totalement. Là. AR cards. Je les ai même pas déballés. Là. OK. Fait que puis, je m'en sac. Je vais pas les déballer, de toute façon. Ils vont prendre surtout qu'ils prennent, ils font pas vraiment de combat rien, entre eux autres. Ils sont juste un en avant de l'autre, puis ils font rien. Non, c'est clair. Fait que c'est ça. Non, moi, c'est un jeu malade. C'est vraiment, vraiment hot. Le contrôle peut être un petit peu fâchant. Ouais. C'est répétitif. Les tableaux, c'est répétitif de la façon que c'est fait, mais tu t'en rends pas compte parce que l'histoire et les commentaires en bas, ça te donne tout le temps, okay, quelque chose. Ce qui est un peu plate, c'est que ça jase continuellement en bas, justement. Quand ça jase, tu vois les faces des bonhommes qui apparaissent. Ouais. Puis des fois, ils disent des choses importantes, mais t'es tellement concentré dans ton combat que tu peux pas t'arrêter. T'as pas le temps, tu sais. Fait que moi, j'ai baissé la musique, j'ai augmenté les voix, mais okay, même à ça, tu sais, je suis en train de me battre à la vie à la mort, là, tu sais, j'ai pas le temps de tout écouter, là. Puis c'est dommage parce qu'on manque des bonnes jokes, puis on manque des bouts importants de l'histoire, là, tu sais. Mais c'est juste le fun parce que tu te sens jamais seul, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui te parle. Fait que c'est vraiment génial. Ah. Fait que écoute, je vais couper ça là parce que je peux en parler encore pendant 20 minutes, là, mais c'est vraiment un must. Nice. C'est un excellent jeu. Puis c'est au magasin, 40$. Bon. RetroNouveau.ca. Fait que sur RetroNouveau.ca, moi je voulais parler de nos cartoons, nos nouvelles BD. Oui. Ouais. Quand tu dessines à la perfection. Ouais, merci beaucoup. Ils sont vraiment sympathiques, là, tu sais, les traits, c'est parfait, parfait. Là. Non, c'est super le fun. À un moment donné, je sais pas, je faisais comme des dessins, puis j'essayais de faire nos faces en cartoon. J'étais comme, hey, Krim, serait drôle, serait le fun. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a déjà deux sur le site. Je sais pas, peut-être qu'il y en a un autre au moment où je vous parle, mais... ouais, c'est vrai. Hein? On a eu des idées, d'ailleurs, tantôt. Ouais. Mais le deuxième, en tout cas, que t'as posté, là, c'est la fameuse histoire de la hache. Oui. Mario, tu sais, c'est drôle. Peut-être qu'il va y avoir des inside jokes de rétro ouais, au travers. Exact. Ben, fait ça, que... écoute, c'est, faut écouter le podcast c'est pour ça, le comprendre. Là, absolument. T'sais. That's it, that's all. Fait qu'on a fait une section pour ça sur le blog, ça s'appelle ouais. Cartoon. Exact. Donc à chaque fois qu'il va en avoir un nouveau, ça va aller là-dedans. That's it. Allez voir ça. Pis toi? Ah, moi, écoute, je voulais parler du jeu La Moulana. Oui. Qui a été annulé. Oui. Mais moi, je n'étais pas vraiment au courant de ce jeu-là. Okay. J'ai vu Jonathan Lavigne de Pixel Tao qui a fait Wizard et Ninja Senki, qui avait, il était bien triste de ça. Ah, j'ai juste vu son tweet passer. Là, moi, j'ai posté le billet. Puis tôt, après ça, tu m'as dit « Hey, j'en ai parlé avant, j'ai pas vu aller. » C'est un jeu indépendant qui a l'air très attendu. Ah, vraiment, là. 2D, ça me fait justement penser à un mélange de Cave Story et de Castlevania un peu. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est un genre de Cave Story slash Indiana Jones. Ouais, là, c'est Indiana Jones style. Le platformer, ça va vraiment l'air bon comme platformer. C'est le genre de petit jeu que je veux, moi, que j'aime au max. Là, oui. Drôle de nom, par exemple. J'ai pas trop compris le nom. Là. Ouais. Je connais pas le backstory non plus, mais. Effectivement. C'est comme... En tout cas, il y a eu un beef entre le développeur et le publisher. Dans le fond, le publisher, c'est Nicalis. Puis là, finalement, bon, ça a été repoussé et c'est repoussé encore. Ouais. Il continue de travailler sur la version PC qui va être disponible sur Steam, mais la version WiiWare a été annulée en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment de la merde, là, tu sais. Je pense que c'est Nicalis qui disait que Nintendo considérait que le jeu n'était pas fini ou whatever, que c'était pas assez bon. Fait qu'on dit. No way. T'sais. Puis là, ils font passer des jeux comme Aya and the Cubes of Light. Eh oui. On met ça. Mais quand c'est le temps de la Moulana, par exemple, non, c'est pas correct. C'est Nintendo, man. N'importe quoi. Ouais. En tout cas, t'es bien déçu, man. J'ai regardé un petit peu le gameplay, t'sais, même si c'était juste du test, là, toute la musique, c'était superbe. Non, ça va être. Donc, voilà, je voulais juste vous faire de la peine. La discussion. Fait que la discussion cette semaine, on se demande si les suites tuent les séries, parce qu'il y en a beaucoup de suites. Il y en a plein. Ah ouais. Puis ça vient d'une discussion qu'on a eue à propos de Grand Theft Auto. Ouais. On s'obstinait par courriel. Fait que ça nous a donné l'idée de parler de ça, parce que oui, il y a beaucoup de suites, puis est-ce que c'est genre... Les compagnies font ça juste pour l'argent, les suites, est-ce qu'il y en a qui choquent, puis auraient dû attendre avant de les sortir, puis tout. Donc, on voulait vos commentaires. Ouais. Puis on va commencer avec ça. Ben oui. Je vais y aller, moi, avec le Facebook. Ouais. Pierre-Luc Racine. La plupart des suites sont meilleures que le précédent, sauf dans deux situations. Quand on presse le citron du concept et qu'on ne trouve pas quoi faire avec, exemple Mario Party. Ouais. Quand on garde les personnages, mais pour un concept différent. Exemple, Bust a Move avec les personnages de Bubble Bubble ou quand Mario et Sonic vont aux Olympiques. Ouais. Alors ça, c'est vrai. Moi, il y a Frank Messier, Frank the Tank, sur Twitter, qui écrit « Affirmatif quand c'est fait pour profiter de la vague. Exemple, les séries qui ont un titre par an. » Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, mettons, si on pense à Assassin's Creed, là... Moi, je trouve ça terrible. Ça revient sans arrêt, là, puis je veux dire, tu sais... Ça n'a pas d'allure. Faut que tu laisses du temps entre les deux, ben, là, oui, mais les autres veulent battre le fer pendant qu'il est chaud, mais... Ben ça, non seulement, tu sais, c'est trop, mais ça brûle l'équipe aussi, ben à oui. l'interne, là. Ben oui. Là, faut que t'ailles le temps de te refaire, de repenser à tes choses, là, tu sais. Moi, je trouve ça un jeu par année, là, un gros jeu comme ça par année, là, hey, ça commence à être quelque chose. C'est parce qu'à un moment donné aussi, tu vas perdre d'équilibre. Là, t'sais, je veux dire, t'auras plus, y a de quoi qui sera plus cohérent entre les jeux parce que c'est pas tout le temps la même équipe qui travaille là-dessus vu la courte période. Fait. Ouais. Pas sûr. Frédéric Lalonde nous dit « Je trouve que oui. Par exemple, la série Call of Duty qui ne cesse de sortir un nouvel épisode chaque année sans jamais se renouveler. Ça finit par devenir des DLC à 70$ en pièces détachées. » Parce qu'ils les font acheter les map packs et le COD Elite. Call of Duty Elite. Ouais. Ou bien aussi pour Final Fantasy. Plus ça avance et moins les épisodes sont bons. On retrouvera probablement jamais d'épisodes aussi bons que le 6e ou le 7e. Ouais. Bon, ça pour les Final Fantasy, par exemple, les avis sont assez partagés. Hein. Il y a du monde qui ont adoré le 13, puis ils ont plein de monde chie dessus. Mm. Il y a du monde qui ont aimé le 10, tu sais. Écoute ça, Final Fantasy. En même temps, je trouve qu'il en sort beaucoup moins que les Call of Duty, puis les Assassin's Creed, puis toutes ces affaires-là. Donc, non, mais ça prend plus de temps à développer aussi quand même. Là. Mais non, c'est ça, Call of Duty, c'est parce que Black Ops 2 vient d'être annoncé, puis là, ben, ils disent que ça se passe dans le futur, ça se passe en 2025. Fait que là, nouveauté, mais... Il y a eu Call of Duty Zombie aussi, non? Mais ça faisait partie de Black Ops, le premier, tu sais, mais... C'est juste, moi, ça m'excite plus parce que je trouve que tout se ressemble, tu sais, comme surtout les first-person shooters de guerre. Ben oui. Ben, ça, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même jeu, tu sais. Je suis comme, tu sais, je je suis même pas excité. Tu sais, je sais que quand je vais jouer, je vais avoir du fun, mais je me sens pas attiré vraiment. Non. Sur Twitter, il y a Stéphanie Harvey, qui fait partie, entre autres, de Monsieur Net, qui oui. dit « Non, si tu regardes le top 10 des meilleurs vendeurs de 2011, il y a juste des suites. » Donc, c'est ça, elle, son point, ça serait que finalement, ben... Ça vaut la peine parce ça vaut la peine parce que c'est juste des suites, ça vend. Ben, c'est le même pour les films Hollywood aussi. Là, dans le fond, le but, c'est de faire de l'argent, tu sais, en se forçant pas trop. C'est un peu ça le but aussi. Check Paranormal Activity, c'est un peu ça. Tu sais, le premier film, au génie, on fait ça avec peu de moyens. Le film Saw aussi. Ouais. Le premier était bien bon. J'ai pas vu les autres, là. Donc, je peux pas parler, mais. Mais si on regarde ce qui se passe au cinéma. Ce que ça fait, c'est que ça tue à petit feu un film qui, au départ, est excellent. Puis, tu sais, regarde le dernier Indiana Jones, là, ils se sont rendus trop loin. Il n'y a personne qui veut voir des fucking aliens dans un dans Indiana Jones. Clair. Fait que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça tue un peu. Ouais, hein. Moi, tout. Moi, tout. Maxime Leduc nous dit « Ouf, c'est dur à dire. Certaines séries sont assez originales pour les faire des dizaines de versions. » Je crois que si un jeu connaît du succès, il est possible de croire qu'il en connaisse à nouveau. Peut-être que certaines versions sont versions suite sont moins bien réalisées, je crois que ça dépend de la formule. Mais si les créateurs nous apportent constamment des modifications, ils n'auront pas le choix de tomber sur une bonne formule. Donc, dans le fond, à force d'en faire, t'améliores ta formule, là, finalement. Ça c'est bien. Ce n'est pas parce que le troisième ou quatrième itération d'un jeu est moins bon qu'il ne se... rattrapera pas avec le cinquième ou le sixième ou le septième. Mais là, il y a des jeux qui en ont des 6-7 tours, là, tu sais. Il n'y en a pas. Puis, il n'y en a pas tant que ça, là. Non, mais il y en a. Next-gen, je veux dire, en comptant pas le rétro, là, bien sûr. Là. Ouais, c'est sûr. Quoi, man, finalement. Non, mais Next-gen, il n'y en a pas qui sont rendus là, mais sinon, Final Fantasy, je pense, c'est vraiment assez ça, ça compte, plus longue, ça, ça compte le rétro, par exemple. Ouais. Mais ça dépend où tu commences le Next-gen, tu sais. C'est ça. Si tu pars de PlayStation 1, ça c'est quand même considéré très rétro pour bien du monde, là, même si c'est pas si rétro. Mais tu sais, si on part à PlayStation 3, Xbox 360, il n'y a rien qui s'est rendu aussi loin que ça. C'est toutes des trilogies, il n'y a rien de plus long que ça, vraiment. Là. Ben, il y a des jeux qui viennent de PlayStation 2 quand même, Xbox, le premier, tu sais, je pense qu'on peut compter ça dans le next-gen quand même. Oui, quand même. Puis il y a des séries qui partent de là, mais ouais. Mais non, c'est ça, y en a pas tant que ça. Ici, il y a Martin Robert sur Twitter qui dit « Tout dépend de l'histoire et quand on est mordu d'une franchise, on en redemande. Dans ce domaine, il faut être ingénieux. » Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai aussi, tu sais, des fois les suites, comme, mettons, tu sais, moi je capote sur Uncharted, fait que c'est sûr qu'à toutes les fois qu'ils annoncent un nouveau Uncharted, mais ça, c'est une chose. Je me retiens plus, je capote, là, parce que j'ai joué à quelque chose, je m'attends à un certain, une certaine importance, une certaine qualité, mais contrairement, mettons, tantôt, je parlais des first-person shooters, le trouble avec les first-person shooters, c'est que ça impressionne plus vraiment parce que, je veux dire, tu sais, il y a rarement des nouveautés qui sont apportées, puis même quand il y a des nouveautés c'est qui arrivent. C'est peut-être des nouveautés subtiles que nous autres, on se rend pas vraiment compte. Ben, tu t'en rends compte quand tu y joues. Tu t'en rends compte quand tu y joues, tu sais. Si t'es pas un joueur. Comme moi, je suis pas un joueur multijoueur, vraiment. Mm-hmm. Tu sais, multijoueur local, je trippe, là, mais en ligne, j'en ai rien à foutre dans un sens. Fait que, tu sais, si tu joues pas multijoueur, les cartes d'outils. Ça mais tu sais, le monde se plaigne pas vraiment non plus tant que ça, j'ai l'impression. Non. Le monde, ils achètent les jeux. Ils disent, OK, on l'a acheté, tu sais. Mais c'est tout le temps c'est ça. C'est un peu ça arrive, que je trouve là. Dommage, tu sais. Des fois, quand il y a un jeu qui mérite, tu sais, que sa suite est pourrie ou que ils en font à tous les 6 mois, tu sais. Je sais pas, boycotter, tu sais. Faites de quoi, là, tu sais. Ouais, arrêtez d'acheter le jeu, tout simplement. C'est comme BF3, tout le monde est comme, oh, je me suis mal de single player, tu sais. C'est OK, mais c'est quand même probablement le first-person shooter le plus vendu présentement, tu sais. Non, non, c'est clair. Fait que ça, c'est encore une autre affaire, là. C'est un autre débat, là. Les gens chialent, mais ils achètent autant qu'ils chialent. Non, c'est clair. Mais moi, il y a des séries, c'est ça, que j'achète, tu sais, juste les Castlevania au Nintendo DS... J'achète quasiment aveuglément, là. Immédiatement, c'est sûr. Mais je suis déçu, man. Order of Ecclesia, le dernier, j'étais tellement déçu, tu sais. Mais c'est ça. tu sais, tu les achètes pareil parce que c'est ta série. Là, faut le fanboy d'une affaire, fait que tu l'achètes. Là, mais c'est ça, c'est dommage. Mais ils réussissent, dans le fond. Là. Ah, ils réussissent. Moi, je pense, entre autres, tu sais, Mario, à toutes les fois qu'il y a un nouveau Mario. Ouais, tout le monde achète ça. Tu sais, ce qui est ça qui est drôle, c'est que les Mario, je suis de moins en moins excité à l'idée d'un nouveau Mario. Parce que ça, tu sais, on commence à être rendu au bout. Tu sais, faudrait qu'il y ait de quoi de nouveau. Là, dans... Non, ouais, pas en tout. Mais tu sais. Ça gagne des nouveautés. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, t'es comme rendu au bout un peu. Tu sais, c'est comme là, sur la 3DS, il va sortir, tu sais, New Super Mario Bros. 3DS, tu sais. Ouais. Fait ça que, va être pareil comme le New Super Mario Bros. Tu sais. Puis ça va être ça super va être... le fun. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, je sais que ça va être le fun, mais. Ça m'excite plus, tu sais. J'ai plus de. J'ai plus la petite étincelle, là. Quand je vois le trailer, je suis plus comme. Non, c'est clair. Tandis que quand il y a un jeu qui en est à ses premières suites, tu sais, au 2, 3e, t'es encore comme. Ok, t'es. Infamous, mettons. Il amène du nouveau. Ouais, Infamous 2, il amenait de quoi de vraiment nouveau quand il amenait le 2e, tu sais. Absolument. Fait que c'est intéressant, puis tu vois toute l'évolution qu'il y a dans ces séries. Portal, tu sais, Portal, ces affaires-là. Mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est quand il y en a trop, puis surtout dans certains types de jeux, même si c'est une suite, puis que tu veux être révolutionnaire, veux pas, t'as des bases à respecter. Oui, il faut que tu respectes les bases pour pas perdre les gens. Là. C'est ça. Puis, meilleur exemple pour encore parler de Castlevania, Judgment. Ouais. Ils ont décidé de faire un jeu de combat à la Wii avec Castlevania, tu sais. Quand j'ai vu ça, là, c'est le seul Castlevania que j'ai pas acheté, en fait. Ouais. J'ai pas joué, mais je pense pas que j'ai besoin de jouer pour dire que c'est de la merde, tu sais. Mais tu sais, en même temps, je salue l'effort. Je me dis, à un moment donné, ça suffit, tu sais. On essaye d'autres choses carrément avec la série. Puis ça peut marcher. Mario le fait bien, je trouve, avec Paper Mario, y a le Mario 3, des Mario 2D, Mario Kart, bon, Mario plein, là, Mario Party. Ouais, Mario Tennis. Il y a comme plein de trucs de Mario, mais c'est juste, je sais pas, j'ai l'impression. Mais les jeux sont différents, quand même. Mario, Super Mario Wii. Ouais. C'est pas pareil comme Galaxy, tu sais. Pas en tout, même. Il y a Paper, pas pareil, pas en tout non plus. Ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Puis, mais rares sont les franchises qui essaient ça, je trouve. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est un risque. C'est un gros risque. C'est ça. Puis des fois aussi, c'est sûr que t'as les grosses maisons de production derrière ça qui, eux autres, regardent le beau dollar. Puis, ils font comme, Gears of War 2, ça a fait tant d'argent. Ben là, il nous faut un troisième. Il y a pas une commande précise. C'est juste, il nous faut un troisième. Ça a tellement pogné que... on peut pas ne pas faire un troisième. Fait que là, ils s'arrangent pour faire un troisième, puis là, ils se disent, bon, ben, faut évoluer, mais en même temps, tout le monde a trippé pas mal sur le deuxième, ils ont pas mal trippé sur ces features-là, fait que, tu sais, faut pas trop aller loin, tu sais. Ouais. Fait que c'est risqué aussi de faire des suites, puis je pense que les artisans qui travaillent là-dessus, ils savent très bien. C'est vraiment risqué, puis ils vont peut-être se planter. Puis je suis sûr qu'il y en a à travers l'équipe, tu sais, qui se disent, ah, voyons, là, on pousse ça plus loin, puis ils doivent se faire ramener à l'ordre pour rester dans les limites, là, du pareil, là, pour pas, genre... que choquer les gamers. Ça, c'est sûr, c'est le même dans tout, là, de toute façon, quand tu fais un travail créatif. Là, comme le gars qui a probablement dit, pourquoi Mario aurait pas un AK-47, tu sais? Pourquoi il aurait pas un gun, là, comme non, on rentre pas là-dedans, là. Tu sais, c'est ça doit être tough, quand même, tu sais, de designer un jeu d'une grosse licence comme ça. Essayer de prendre des risques. Tu sais, si on y pense, Ninja Gaiden 3, ils dont j'ai parlé, tu sais, ils ont essayé d'aller là, et là, tout le monde of the box. Ben, pas tout le monde, mais. Ben, en général, les critiques aussi. Positif, non. Mais je pense que ça va peut-être être payant pour eux autres, parce que le prochain Ninja Gaiden va peut-être justement être la bonne balance. Entre le 2 et le 3, en tout cas, au moins ils ont cherché. Ils n'ont pas juste comme dupliqué l'affaire en changeant le monde puis en changeant les armes. Mais moi, j'apprécie plus ça que plus un gros risque que quelqu'un qui décide juste d'aller avec la même affaire. Parce que la même affaire, c'est sûr que tu vas avoir du fun. Ah, tu as tout le temps eu du fun. Tu sais, comme si on pense, mettons, à Kirby. Là. Ouais. Tu sais, il y a eu Kirby, à un moment donné, il y a eu Epic Yarn. Ça, c'est un 360 complet, là. Je veux dire, tu t'en vas, là, tu t'en vas ailleurs, puis là, tu fais comme... Ben, de la merde, là, on réinvente complètement, là, graphiquement, style de gameplay, on fait d'autres choses complètement, ouais, mais on garde la licence. Ouais. Je trouve ça super cool, absolument. Ça marche, tu sais, ça marche au bout, fait que pourquoi pas faire ça, tu sais, fait que... Non, moi, je trouve que c'est génial. Ouais, moi, je pense que dans la vie, comme dans un jeu, il faut essayer des affaires, tu sais. Ouais. Pour te pas souci d'améliorer tes trucs. De toute façon, à un moment donné, quand, après, mettons, au sein... Mettons, si Uncharted... Faut pas chialer là-dessus, là. Bah ouais. Mais si Uncharted 5 est pareil comme les 4 premiers, tu sais, oh, ça va être plate. Dire, moi, ben là, faudrait... Okay. C'est ça. Moi, si le prochain Uncharted est pareil comme tous les autres, je t'avoue que, tu sais, je vais être déçu, tu sais, ben, parce qu'à un moment donné, tu peux pas te tourner en rond même tout le temps puis faire, ben, on fait la même affaire, le monde aime ça, fait qu'on va lui donner la même pantoufle qu'ils ont eu d'habitude, là, ouais, tu sais. C'est comme un Ratchet & Clank, une série que j'adore aussi, qui essaie de se réinventer, essaie des affaires. C'est, ça tourne toujours autour de la même chose, mais ils essayent des trucs quand même. Sortent pas, au moins, ils ne sortent pas le suite aussi rapidement. Oui, ça, c'est un, ça moi, je trouve ça important. C'est un gros point, ça. Ça m'écœure, même avant d'avoir joué, je trouve ça un peu dégueu quand ça sort trop vite. Je suis comme, non, ça se peut pas que tu aies eu le temps de réfléchir, de forcer pour trouver quelque chose en si peu de temps. C'est impossible. C'est sûr que vous êtes pas forcé. Non, c'est ça. Ça semble garoché. C'est ça que ça dit, tu sais, tout de suite. Là. Fait que, mais tu sais, on parlait de Grand Theft Auto tantôt. Ouais. Puis je suis allé voir toutes les dates des Grand Theft. Puis quand même, les trois derniers, ils ont pris 4 ans à sortir les uns entre les autres. Fait que c'est pas pire. Ça, ils ont quand même pris leur temps. Puis là, celui-là qui va sortir, on n'a pas de date encore, mais je suis persuadé qu'il va sortir à la fin de 2012. Fait que, tu sais, s'il sort à la fin de 2012, ça va faire 4 ans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me dis, bon... Mais là, ça, tu parles de San Andreas et le 4, genre, il y a un 4 ans, ouais, ce jeu-là. Oui, exact. Ben, il y a eu le 3 avant ça. T'sais, t'as c'est eu, ça. T'as 3, eu Grand Theft 3. Vice City. T'as eu Vice City, San Andreas 4. Après ça, t'as eu le 4. Puis là, t'as le 5 qui s'en vient. Là, t'as le 5 qui s'en vient. Mais il y en a eu des petits aussi au travers des trucs. Ouais, c'est là. Ça, des petits trucs sur console portable, mais ça, moi, la plupart du temps, tu sais, ça dépend c'est quoi, mais là, comme là, Grand Theft, c'était pratiquement un spin-off, tu sais, c'était pas la même chose du tout. C'était ça. Pas comme les ports sur PSP, fait que, tu sais, ça tue pas la série, au contraire, ça l'amène complètement ailleurs, puis, tu sais, je pense à Grand Theft 4, il y a tellement de choses qui ont amélioré par rapport à tous les autres jeux qu'il avait fait auparavant, que t'apprécies, tu sais, tu fais comme aïe, ok, ça marche. Sauf qu'encore là, moi, quand j'ai joué, j'ai trouvé des bébites, il y a des affaires qui fonctionnaient pas pour moi. Des bébites, moi, y en a toujours. J'étais tanné là de partir à l'autre bout de la mer de en char pour aller faire ma mission, fait que je prenais tout le temps le taxi. Ouais. Mais je pense que c'est ça, les développeurs ils apprennent de ça, puis ils se disent bon, ben, on va régler ça pour la prochaine mouture. Ouais. Fait que si on continue dans les commentaires, moi, il y a Luc Moreau sur Twitter qui dit « S'il y a de l'abus, oui, mais j'ai toujours hâte de voir la suite des vieilles franchises comme Double Dragon Neon. » Tellement... Oui, là, hein? Hey, j'ai hâte de voir ça, moi, avec. Mais ça, c'est différent, tu sais, parce qu'ils n'ont pas fait des Double Dragon à tous les ans depuis le temps, tu sais. Là, c'est comme « Wow! » On ramène une affaire là, que ça fait longtemps ou qu'on n'a pas vu ces consoles next-gen. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de Double Dragon au PlayStation 3? Gros jeu là, à 60$ au magasin. Là. Puis ben, ils en ont fait un sur iOS, mais c'est comme... Ben non, ça compte. C'est moyen. Mais c'était un nouveau Double Dragon, puis il y a vraiment beaucoup de bruit autour de ça. C'est pas Neon? Non, c'est pas Neon, ça. OK. Ça, c'est un autre, complètement. Ouais. Mais Neon, c'est un nouveau Double Dragon. Ouais, mais quand même, ça va être un downloadable à 10$. Ouais, là, genre, exact. Ça sera pas, là, mais je pense que c'est la bonne façon de faire. Ouais, peut-être pour ça. Là. Mais ben, tu sais, c'est comme Bionic Commando Rearm. T'aurais pas pu sortir ça sur un disque retail. Là, non, c'est, mais ils ont essayé de le faire, justement, un vrai nouveau Bionic Commando. Ouais. Ça a pas levé tant que ça. Mais c'est j'aimerais ça qu'ils le fassent avec Double Dragon puis que ça réussisse. Ouais, là. C'est sûr. Ils se sont plantés avec Bionic, mais ça arrive. On regarde Castlevania, ah, ça, moi, ils l'ont fait en 3D, puis pour tout, ça l'a pas fait pendant tout, parce que c'était plus 2D, tu sais. Ouais. Mais je voulais, mais tu sais, je sais pas, le dernier, toi tu l'as aimé, moi je trouvais que j'ai copié sur God of War, tu sais, puis j'avais pas de feeling de Castlevania là-dedans, c'est pas assez en tout cas. Là. Mais whatever, je salue l'effort. Ouais. Mais venant des créateurs de Metal Gear, je me serais attendu à, je sais pas, plus puissant que ça. Là. C'est pas juste les créateurs de Metal Gear. Non, pas juste, là, mais quand même. Sinon, à part de ça, moi, sur Twitter, il y a Eric Chamberlain qui a dit « Je me fous de ce que le monde pense. Moi, j'ai aimé le film. » Mais c'est parce qu'il parlait d'autre chose. C'était une autre discussion qu'on avait. Excusez-moi, ouais, il y a Nicolas Chalifou qui dit « Selon moi, si la suite est créée parce que les fans en demandent plus, certains jeux sont tellement intéressants qu'une suite est justifiée, mais aussi si le but est de réinventer la série ou l'améliorer. » Le problème, c'est les entreprises qui en font pour l'argent uniquement. Nommons Call of Duty ou les Street Fighter, si c'est uniquement un modèle d'affaires, c'est de la merde. Ouais. C'est toujours agréable de retrouver nos personnages préférés comme les Castlevania, God of War, Sonic et Mario. Moi, j'ai Max Tremblay qui dit « En fait, certaines suites font du sens et d'autres non. Il faut simplement que les distributeurs fassent preuve de discernement. » Certaines suites me plaisent, comme Zelda, Mario, Metroid, et même si elles existent depuis toujours, je suis toujours heureux d'y retourner. D'autres, comme Call of Duty, Guitar Hero et NHL, vont clairement trop loin, et on se retrouve avec un produit qui manque de finition, ou dont les fonctionnalités ont été retirées pour être certain d'avoir du nouveau stuff à mettre dans la prochaine suite. C'est vrai, la suite, il enlève de quoi de bon pour essayer d'autres choses, tu sais, qui est brouillon, genre. Ouais, c'était correct. Tu dois le savoir que c'était correct, ça, là, j'ai pas d'idée en tête, mais ça m'est déjà arrivé à jouer à des choses. Alors, voyons, ils ont plus ça, tu sais. Non, ça arrive. Non, ça c'est vrai. Tu fais comme, shit, pourquoi ils ont enlevé ça? Ben, des fois, c'est des détails, c'est ça, c'est des détails techniques, là. C'est à cause de l'espace ou trucs comme ça que ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a Yannick Bourdon sur Twitter qui dit « À part le premier, j'ai aimé tous les Assassin's Creed, mais c'est vrai que j'ai l'impression de jouer au même jeu depuis 3 ans. » Ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Là. Je trouve tout le temps que c'est la même affaire. Alors, prendre un dernier, Steve Tremblay qui dit « Tout dépend du nombre. Si on a un premier opus génial, le deuxième est souvent tout aussi, voire meilleur. » Parce que le développeur a appris du jeu original. Le troisième, on tente de se renouveler, d'en ajouter, d'en faire plus, ce qui donne parfois des grosses déceptions. D'un autre côté, on a un Elder Scrolls V, Skyrim, qui s'est vu mériter par plusieurs le titre de jeu de l'année. Mais est-ce que les Elder Scrolls, je sais pas, ils en sortent combien ou quand, je connais ben, pas. Ben, c'est quand même, ça prend quand même un certain temps. Ouais, c'est long, les Elder Scrolls. Ça ben, tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils en sortiront pas un 6, là, genre l'année prochaine, ben parce que Skyrim a eu du succès. Anyway, Skyrim, c'est long, là, faire tour de ça. Ouais, ça continue tout le temps, le monde continue à jouer à ça longtemps. Fait que... Non, je pense pas. Fait que, tu sais, les suites, garde. Il y en a des bonnes, des mauvaises, il y en a pour le cash. en tout cas, c'est. Mais ça dépend. Moi, je pense qu'on a toutes nos séries préférées, puis que qu'on chiale ou non, certaines affaires, on va tout le temps l'acheter, les yeux bandés, puis on va tout le temps triper, mais. Moi, je pense que je suis d'avis que certaines compagnies devraient prendre plus de risques. Comme Ninja Gaiden 3, tu sais, c'est... Bon, ils se sont plantés, mais ils se sont pas plantés tant que ça, à mon avis. Ouais, c'est un pas dans la bonne direction. Ouais. On continue en musique avec le thème de Crysis 2. We'll be right back. top 5. Cette semaine, le top 5. On fait le contraire de la semaine passée. On est pété. C'est malade. On est tellement original. Eh oui, on est vraiment original. On a pensé, puis j'ai pas dormi dimanche. Puis là, on s'est dit, on va faire le contraire. On va faire les meilleurs jeux d'arcade. Les meilleurs jeux d'arcade qui ont été portés sur console. C'est ça. Ben, c'est... Les meilleurs ports d'arcade à console. C'est ça. Là, on cherche pas des jeux qui sont supérieurs sur console, tu sais, comparativement à l'arcade, parce qu'il y en a très peu, whatever, mais des jeux qui ont bien réussi, là, dans le fond, qui sont très bons sur console. Non, les bons. La semaine passée, on parlait des losers, là, on parle des gagnants. Des winners. Fait que, numéro 5... Numéro 5, on a choisi Ninja Gaiden. Ouais. Parce que, on l'a mis en 5, premièrement, ouais. Parce que la version arcade et la version NES sont très, très, très différentes. Ouais. En fait... Ça n'a rien à voir, là. Du tout, là. Fait qu'on était un peu gênés de le mettre. On s'est dit, on met ça ou Golden Axe ou Genesis? Là, désolé, on a joué plus à Ninja Gaiden, puis, tu sais, on trouvait ça intéressant quand même, qu'il ait recréé complètement un nouveau jeu. Parce que la version arcade, c'est vraiment... T'avances, c'est hack and slash. Oui. Puis, ben, la version NES aussi. Ça ressemble aux jeux de combat, genre Captain Capcom. Captain Commando. Captain Commando, ouais. Captain Commando, Combat Tribes, ce genre de jeu-là, un peu vue isométrique que tu t'approches. Un peu comme Final Fight, finalement, tu sais. Mais plus, moins riche, on dirait. Plus crappy, moi, je trouve. Ben, je dis ça, j'ai pas joué, mais je l'ai vu sur la Wii Virtual Console. Mais moi, j'ai joué, mon gars, puis il y a un bout dans Ninja Gaiden à l'arcade qui est atroce, puis même quand tu rejoues sur la Virtual Console, tu peux t'en apercevoir. Moi, je l'ai, puis c'est épouvantable. C'est venu détruire mes rêves de jeunesse. OK. T'essayes de passer une rue, un moment donné, une autoroute, puis il faut que tu te pognes après des barreaux pour sauter puis te rendre de l'autre bord. Ah, c'est je l'ai vu, ça! Ça pogne pas. Ton bonhomme, il est jamais à la bonne place. Ouais, c'est ça. T'es mal. T'es pas capable de te mettre à la bonne place. Les chars t'écrasent, là. Dans le... C'est ça. Puis tu sais, les maudits tableaux, là, que le tableau avance, puis ton bonhomme, tu sais, il fait une motion d'avancer tout le temps, mais même si tu gardes ton bonhomme à la même place, il fait une motion d'avancer tout le temps parce que c'est le tableau qui avance. J'haïs ça, cette affaire-là. Ah non, c'est clair. Mais moi, quand j'étais jeune, je trouvais ça cool, Ninja Gaiden à l'arcade. Ben parce ouais, que on avait rien d'autre. C'était Ninja Gaiden à l'arcade, puis là, genre, t'avais comme l'impression de le voir en 3D parce qu'il était plus gros. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais la version NES, c'était pas mal cool parce qu'ils ont rajouté. Là. Ben, je sais pas s'il y en avait à l'arcade, mais tu sais, il y a de la cinématique au max, là. Ouais, il y en avait à l'arcade, mais c'était pas ça. À l'arcade, ça. C'est tout le temps simpliste, là, genre, va sauver la princesse, ou ben, telle fille s'est faite faire mal, tu sais, c'est tout le temps, en fait, une fille une fille qui fait du trouble. Fait que, au moins, sur le NES, ben, il y en a un petit peu aussi, mais tu sais, c'est vraiment profond. Non, là, c'est dit, puis aussi sur le NES, il y avait de la musique, des machines d'arcade. On l'entend jamais bien, la musique. Tu l'entends pas, mais c'est ça, les cinématiques, puis les bouts qu'il y a. Quand tu joues pas au jeu, c'est fait pour que quand tu rentres dans une arcade, ça sonne pas comme une cacophonie épouvantable. Ouais. Fait que t'as jamais de son là-dessus. T'as c'est pour bien ça, raison. Moi, c'était quelqu'un qui me posait la question cette semaine. Il regardait des images de Willow à l'arcade puis il disait comme pourquoi il n'y a pas de son pendant tout l'épisode au début, tu sais, quand il explique c'est quoi le jeu, je dis ben c'est ça, c'est parce que quand t'es dans un arcade, tu peux pas avoir du son ou à l'écran insert coin finalement. Ouais. Mais c'est ça, Gaiden est tellement meilleur sur Nintendo. Puis ils en ont fait 3, puis les 3 sont pas mal sur le même template. Ouais. Juste le 3e, je trouve qu'ils ont amélioré un petit peu plus, puis c'est tout bon, là. C'est vraiment le fun, puis ça a fait la série qu'on pensait. Oh, ça pardonne pas, là. C'est ça vraiment dur. Ça pardonne pas. Mais... Puis moi, par contre, là, sur Nintendo, j'avoue que j'avais un problème par rapport à l'arcade, là. À l'arcade, Ninja Gaiden, il avait l'air de Ninja Gaiden sur la pochette du jeu. Tandis que sur Nintendo, ça avait l'air d'un singe bleu. Ouais. Tu sais, le sprite était petit, là, comparé à l'arcade, ouais, là, c'est sûr. Il était weird aussi, comment il était fait, tu sais. Fait que, puis même maintenant, quand je le regarde, je fais comme. Ouais, il aurait quand même pu faire quelque chose. Tu sais, moi, je l'aimais bien, à cause de je la sais pas. Ça... Mais j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air d'un singe. Ah, bon. Ben, moi, c'est... pas moi, c'est comme mais ça. Chacun. Là, on a chacun nos problèmes. Toi, tu vois des singes. Je suis pas d'accord. Moi, je vois des haches. Toi, tu vois des singes. Fait que, en quatrième position, Afterburner. Que, yes, sir. On avait discuté, on mettait ça en 5, en 4, là, finalement. Ouais. On a décidé en 4 à cause que Ninja Gaiden, c'est quand même une révolution et non un port direct. Absolument. Puis Afterburner, moi, la machine d'arcade était hallucinante. Ouais, ça, c'était là, malade, t'sais. Ça. C'était d'ailleurs... T'embarquais dans le jet, là, tu sais. Oui, c'est d'ailleurs un petit segment geeky au bout, là. C'était la cachette de John Connor dans Terminator 2. Ah oui? Parce que, ouais, parce qu'au début, il est dans une arcade, puis il se cache, puis il est dans la machine de Afterburner quand il voit le T-1000 arriver. Ah, tu vois, en plus, ça peut servir de cachette contre les vendeurs de drogue, puis les T-1000. Qu'est-ce que c'est bien pratique. Contre les robots. Mais la version NES, là, moi, j'ai joué sur la cassette de 270 jeux à ma grand-mère. OK. Puis, tout ce que je me souviens, c'est... Ah, puis j'ai joué aussi au Genesis. Puis là, c'est comme... OK, on commence. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était comme une des cassettes Tengen. C'est une Tengen, ouais. Puis moi, les Tengen, ces cassettes-là, à toutes les fois que je voyais une cassette de même, là, j'avais le goût de la sniffer puis de m'en mettre dans la face tellement je trouvais ça magnifique. Là, ouais. Je me disais comme « Yes! » Là, je l'ai. Puis celle-là, c'en est un là, que c'était bon, canon. Là. C'était tellement bon. Puis je te dis, tu te sentais badass quand tu jouais avec cet avion-là. Puis ouais. J'ai rejoué à ça récemment. Ah oui? Pis mais je me suis jamais rendu loin, moi, adoré, parce que là. C'était comme tellement intense. Là. C'était dur, mais ça se fait. Ça se fait. Hein. Ça se fait vraiment. C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme Top Gun, tu sais. Top Gun sur Nintendo, ouais. Il était vraiment tough, mais c'était vraiment là, c'était proche de Afterburner. Il était plus simulateur, me semble un peu. Top oui, Gun, il était plus non? simulateur. Top là, Gun. C'est comme mais arcade. Là, c'est arcade à fond, puis c'est rapide. Pis c'est ah ouais, vraiment, c'est ultra rapide. C'est type Sega, là, vraiment là, extrême rapide. Tu fais un virage bien serré. C'était un des premiers jeux dans lequel tu pouvais faire des tonneaux. C'était vraiment le fun. Take t'sais. That, Star Fox. Do a barrel. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, écoute, j'ai vraiment aimé la version NES. Je l'ai acheté, puis c'est le fun parce que j'ai pas regretté. Puis en plus de ça, moi, anecdote personnelle, au moment où j'avais Afterburner chez nous, il l'avait à l'arcade aussi en même temps. Puis je jouais à l'arcade aussi, puis j'avais comme deux expériences, mais pourtant je tripais autant chez nous, je trouvais ça fun, c'était... le graphisme était bien fait, c'est vrai. Le contrôle était tight, c'était simple, mais c'était tight. Le graphisme aussi c'était simple, c'est comme nuage, nuage, nuage, nuage, nuage, ciel, nuage orange. Ben, comme en Tron, genre, c'est comme ça t'arrive d'en face. Mais je viens de me souvenir qu'il y a un Afterburner 2 qui existe. Oui. J'ai vu, moi, sur la cassette Famicom, là, avec un adapteur 72 pins, là. Mais ils l'ont-tu fait en... Ben, il y a eu un Afterburner HD aussi. Il y a eu Climax, un Afterburner sur PSP. C'est des... il y a de quoi qui est tombé en arrière. J'espère que t'as ça sur caméra, c'est écœuré. T'as tellement stuffé. Tu vois comment je suis un gars, moi. J'ai l'air relax de même, mais en dedans, man, ça bouge. C'est Jean-Guy Moreau qui vient hanter ta bibliothèque, man. Malade. Fait que, on a dû parler de moi. Ouais, il parlait d'Afterburner, ça. Les fantômes. Boy. Anyway. Mais, en tout cas, c'est un bon jeu sur console. Ah ouais, vraiment. Puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bon, ben... après le spectre numéro 4. J'espère qu'il n'y a pas d'autres spectres de jeux vidéo qui vont venir. Je t'assure, ma bibliothèque allait tomber à terre. Ben oui, c'est ça. C'est juste les jeux de PS2 qui ont fait clouing. Bon, hey, en troisième place, on a choisi Punch-Out. Yes. Parce que c'était... Ben moi, je savais même pas à la base quand j'étais petit que ça existait à l'arcade, bien sûr. Oui. Parce que la version arcade, il y en a eu deux Punch-Out, je pense. Oui. Puis le deuxième ressemblerait beaucoup à Super Punch-Out au Genesis. Mais en tout cas, nous, on parle de Punch-Out NES, qui est... écoute, tout le monde a joué à ça. Oui, tout le monde aimait ça. Moi, les personnages là-dedans sont super sympathiques. T'sais. Puis, bon, on sait tout ce que c'est. Mais à l'arcade, ce qu'il y avait, par exemple, tu tenais des gens de... des grosses manivelles bizarres. Là. J'ai jamais joué à ça, moi, ces grosses manettes bizarres. Explique-moi mais moi, ça. J'ai ça avait l'air d'aller tellement mal. Ben non, mais ça allait bien. C'était pour donner tes jabs puis tout ça. Puis c'était pour frapper l'ennemi. Puis ça se faisait quand même assez bien. Puis c'était le fun. C'était vraiment trippant. C'était plus un fluide simulateur. Comme mouvement? Là? Non, mais c'était plus un simulateur. Tu le faisais, puis n'importe quelle que soit la vitesse où tu le faisais, j'imagine qu'il y avait un clic dans la machine qui permettait de savoir que tu donnais un uppercut dans les airs ou un petit jab dans les côtes, tu sais. Mais c'était vraiment bien fait. Puis Moi, j'ai toujours eu de la misère, je t'avoue, à différencier les deux machines parce que j'ai joué aux deux machines. Ouais. Les deux machines s'appelaient Punch-Out. OK. Fait que, tu sais, c'était dur de savoir c'est laquelle. C'est peut-être juste une version améliorée, dans le fond, avec tout le même roster, mais. Ben, parce que la version que tu parles qui ressemble à la version Super NES. Moi, j'ai joué énormément à Old Orchard. Ouais, hein. Avec, c'est là que je jouais beaucoup. Hey, c'était cool, à Old Orchard, il y avait plein de machines. Mais en même temps, j'ai dit ça, il y avait, je suis pas retourné récemment. Mais, je vais peut-être y aller cet été, Evan. Je te fais un compte rendu. Un compte rendu, crime. Mais non, c'est ça. Ce qui était le fun, c'est que ton Little Mac, il était tout fait en wireframe. Oui, c'est ça. Puis là, tu voyais au travers. Le bonhomme, il était énorme en avant de tout. C'était vraiment cool. La machine était faite à verticale. Ce qui est totalement différent de la version NES, où est-ce que t'as un méga gros ring, puis ton sprite là, il est minuscule, puis t'as des Super Macho Man, il est gros, mais il est quand même petit. Ils ont dans tellement le ring, pas t'sais. Profité de l'espace dans un sens. Punch-Out, c'est un de mes meilleurs jeux à vie. Là. Il est écœurant, ce jeu-là. Mais quand tu y repenses, tu fais comme, OK, sur Super Nintendo, ils ont vraiment appris Super Nintendo, la ils l'ont fait, NES, là, gros bonhomme, totalement. Puis tu vois à travers ton personnage aussi au Super NES. Mais ça n'empêche pas, je trouve, la version NES d'être quand même vraiment super bonne. C'est écœurant. Parce que, écoute, là, c'est le gameplay. Là. Ouais. C'est comme la nervosité. Il faut que tu te tasses c'est au bon moment. C'est comme tu donnes un clac, clac, il n'y a même pas deux sprites. Là, non, c'est vrai. Rend, c'est comme clac en une shot. Ah, ça va super bien. Il a aussi fait une version Wii. Que j'ai trouvé pas piqué des verres tellement quand même, c'était vraiment bon, mais un peu facile. Puis moi, j'ai joué, tu sais, avec Nunchuck dans au début, tu sais, mais rendu genre au quatrième dude, là, j'avais vraiment de la misère. Fait que là, quand je suis revenu en classique, genre, je l'ai éclaté en deux secondes. Parce que je joue aussi avec la balance board avec ça, puis c'est comme... Là, t'es tout équipé, mon gars. Ouais, c'est ça, les gars. Ça va super mal. Va dans un gym. Mais c'est un bon jeu, mais ça va vite, là. C'est un excellent jeu, mais une affaire aussi qui est intéressante à propos de Punch-Out, c'est que ce jeu-là, ce qui est poche, c'est qu'ils ont changé Mike Tyson pour Mr. Dream maintenant. Ben ça, c'était au NES, ça. Ouais, c'était au NES. Au NES, quand ils ont ressorti Punch-Out, il n'y avait plus le droit d'utiliser Mike Tyson. Le contrat était fini. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont mis Mr. Dream à la place. Mais c'est exactement le même jeu. C'est ça. Il y a juste la pochette qui change puis le sprite à la fin. Mais là-dessus... Mr. Dream, tu sais, c'est tellement cool ça, c'est d'avoir poche, Mike Tyson à la fin, tu sais. Absolument. Ça sert un peu à rien, tu sais, d'avoir Mr. Dream. Ben là-dedans, par exemple, c'est Mr. Sandman à la fin, par exemple. Mais moi, j'ai jamais réussi à buter Mike Tyson ou Mr. Dream. Non, plus. Je me suis rendu, jamais réussi. Un coup de poing, paf, t'envoies au tapis, Ben, puis tellement rapide, là. c'est tough. Ça prend de la patience pour réussir à le faire. Là. Chapeau à ceux qui ont réussi. Moi, j'ai jamais réussi. Hey, imagine, moi, fait cocasse, quand j'étais jeune, j'écoutais du rap. Puis, moi aussi, j'en écoutais pas mal. J'en écoute encore, d'ailleurs. J'écoutais la toune de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, I Think I Can Beat Mike Tyson. Ah oui? En jouant à Punch-Out. Puis, j'étais tellement dedans, là. Malade. Fait qu'en tout cas, c'était mon moment. Maintenant, vous pouvez rire de moi. I'm rough like a freight train, smooth like ice. And yo, Jeff, wait up, I think I can beat Mike Tyson. Man, you could beat him, man. Oh, man, word. You beat him, man. You know, I put on a couple pounds, man. We can do this, man. Hey, numéro 2, Street Fighter 2. Yes, qui s'appelle seulement Street... Attends, je suis vraiment dû pour une gorgée de bière, là, je suis plein de chips. Ça s'appelle seulement Street Fighter 2. C'est pas Street Fighter 2 Turbo Championship Edition. Championship Edition, c'est à l'arcade, c'est ça le nom de l'arcade. C'est ça. Au Super NES, il y a eu deux Turbo et Super Street Fighter 2. Ouais. Le dernier avec Fei Long, DJ. Exact. Puis il y a les autres, là, Camille, qui était vraiment... Moi, je trouve l'ultime Street Fighter au Super NES. Ben, il y a eu Alpha aussi, Alpha 2, mais ça, c'est d'autres choses. Ouais. Alpha, c'est une autre catégorie. Mais c'est ça qui est drôle aussi. Hein, le monde aujourd'hui, il n'arrête pas de chialer du fait que Capcom sort des Marvel vs. Capcom sans arrêt, puis des versions X. Pis ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Ben, Capcom, ils ont tout à fourré le monde de même <C'est> en sortant 6 versions du même jeu. Absolument. Mais quand on était jeune, on se faisait vraiment avoir. Parce que moi, Street Fighter, j'ai eu deux versions, moi. Je pense que j'ai acheté Street Fighter 2, puis j'ai acheté la Championship, là, la dernière qui ont sorti, qui était ouais, comme Super Street magnifique, là, que t'avais tout le même roster, mais... Mais nous, le fun. Mais juste pour parler de l'original, dans le fond, oui. Parce que c'est lui qui a fait le saut en premier. Oui. Là, parce que Street Fighter 1, ça existe en passant. Là. Oui. C'est pourri. Ouais, puis à l'arcade, les bonhommes sont longs de même. Ouais, c'est bien square. Là. Ding, ding, ding. Ouais, mais il y a des bonhommes là-dedans qui reviennent dans les Street Fighter plus tard, comme Jen, tu sais. Ben, il y a 6 bonhommes dans Street Fighter 1 à l'arcade. C'était vraiment super. En tout cas, moi, quand j'ai joué à Terrebonne, c'est ce que je me souviens. Je me trompe peut-être. Là. Mais c'est pas grand bonhomme. Mais il y en a qui reviennent. Tu sais, comme il y en a, ils les ont déterrés puis ils les ont ramenés genre dans Alpha 3. Tu sais, ça, c'est super cool. Okay, ouais, c'est cool ça. En tout cas, Street Fighter 2. Ouais. Parlons de Street Fighter 2. La version Super NES était très semblable à l'arcade. Oui. Sauf qu'il y a des bonhommes que tu ne pouvais pas prendre. Tu en avais juste 8. Tu ne pouvais pas prendre Bison, Balrog, Vega, qui sont devenus des boss, là, finalement. Mm. Puis, mais pas grave, tu sais, parce que ça allait super bien. Moi, c'est le premier jeu de Super NES que j'ai eu. Ah comme, je l'ai, la gamique, c'est je l'avais pour Noël, mais je l'achetais avant avec mon argent. Mes parents payaient la moitié, whatever. Okay. Là, je la gardais dans ma chambre, tu sais. Mais là, j'avais pas de Super NES. À Noël, j'avais mon Super NES puis mon Street Fighter. Mais j'avais pris mon Street Fighter en cachette. J'étais allé chez un de mes amis qui avait un Super NES. Là, j'avais joué au max, tu sais. Fait que, en tout cas, je l'avais tout remballé, man. Mais non, ce jeu-là, j'ai joué, là. J'ai passé avec tous les bonhommes, je connaissais tout, man, par cœur, tout ce qu'il fallait faire, comment buter Blanca, tous les cheats, là, tu sais, genre, si tu fais tout le temps une jambette à telle place, il va tout le temps tomber, des affaires de même, puis c'est vraiment bon, là. Non, puis encore là, le roster, tu sais, tous les personnages qu'il y avait dans le jeu, il n'y en avait pas assez pour que tu puisses pas maîtriser chaque personnage. Absolument, il y en avait juste 8. Fait que, puis déjà, Ken Ryu, ils sont pareils. C'est comme, t'en as 40, 50 personnages, fait que tu sais, t'arrives, tu fais comme... Ah, ok, à soir, on joue avec lui, demain, on joue avec lui, puis tu changes tout le temps, puis tu finis jamais par avoir ton préféré. Ouais. Je trouve que ça devrait redevenir un peu réduit des fois, parce que c'est tellement abusif. T'as pas ton préféré. Tu regardes la face d'un, puis tu fais comme, il est pas payé, lui, moi le prendre. C'est ça. Mais Street Fighter, moi, je trouve que c'est ça qui a tout commencé. En tout cas, pour moi, c'est ça qui a tout commencé. Ouais, pour les jeux de combat ça a été mon point de départ aussi. Oui. Parce que c'est sûrement pas Yi-Yar Kung Fu qui a fait ça pour nous autres. Yi-Yar Kung Fu. Oui, c'était un jeu de Kung Fu, des combats d'arts martiaux sur le NES. OK. Puis c'était de la marde. C'était épouvantable. C'est pas Karate Champ, là. Ben, il y a Karate Champ, mais c'était Yi-Yar Kung Fu, là, le vrai nom. Puis ça, je pense, c'était peut-être du Commodore 64. Ouais, peut-être plus, parce que ça me dit rien. Le nom, je me rappelle tout le temps parce que j'ai joué beaucoup à ça, même si c'était de la marde, parce que c'était la seule façon de faire des combats. Mais Street Fighter, Kim, c'est une évidence. Ça vraiment. A tout starté, là, je trouve, le combat, là, la nouvelle génération, le jeu de combat avec la Super NES version Genesis. Depuis tantôt, on parle des ports d'arcade, mais celui-là, c'est pratiquement du 1 pour 1. Là, je veux dire, t'as la même affaire. Il n'y a rien de différent. Là, c'est identique. Même la musique, les voix, tout est resté. Tu jouais à Mortal Kombat, ça faisait pas ça. Non, t'sais, ça faisait pas ça. Tu jouais à l'arcade, là, t'arrivais chez vous, t'es comme... Ouais, c'est une... Non, c'était pas pareil du tout, Mortal Kombat. Ouais, c'est ça. Street Fighter, tu n'avais pour ton argent. Ah, c'est ça. Première place. Ouais, monsieur. Les Ninja Turtles. Yes, Turtles and Times. Turtles 4, en fait. Parce qu'au NES, il y en a 3. Donc, ça, c'était la suite logique. Mais ça, c'était basé complètement sur le jeu d'arcade qui s'appelait seulement Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais. Puis, on pouvait jouer à 4. T'avais tes 4 dudes en même temps, tu sais, dans l'écran. Ça, man, c'est... L'écran était large aussi, là, vraiment. Super large, comme X-Men, tu sais, c'était genre comme les Simpsons. C'était comme une espèce de jeu de miroir dans l'arcade. Ben, c'est toutes des bombes qu'on a mis, ça, en fait. Qui avaient des... c'est vrai. C'était widescreen, puis t'avais de la place pour 4, mais t'avais de la place, tu sais. T'avais un gros board en avant de la machine, puis... Parce qu'au NES, ils ont fait les Turtles 2, The Arcade Game. Ça, c'était bien. C'était comme, comparé au premier, c'était vraiment une coche, là. Mais les 4 Turtles, c'était pareil, tu sais. Ouais. Tandis que là-dedans, ils sont différents, tu sais. Ils ont tous des moves différents, mais ils ont quand même, en plus, beaucoup, beaucoup de moves, tu sais, qui ont gardé. Tu peux slider, tu pognes des gars, tu sais, des slams d'un bord puis de l'autre. Ouais. Bang, bang, bang. Ah, des pitchs dans l'écran. Des tirs dans l'écran. C'est comme un maudit que c'est next gen. Des pitchs dans l'écran, c'est malade, là. Puis ça, même si c'est pas... Je pense que les tableaux sont pas identiques, tu sais. Puis ils ont pas pu tout refaire pareil comme à l'arcade. Mais ce qu'ils ont... comme sauvé le principal finalement, puis ils ont retweaké le reste, puis c'est tellement bon. Là. Oui. En fait, ce jeu-là, il aurait même pu pas avoir d'arcade. Mettons qu'on sait pas qu'un arcade existe, tu dis waouh, tu sais, c'est de la bombe là. Non, c'est magique vraiment... ce jeu-là. Là. Puis malheureusement, ils ont fait une version HD un peu plus tard. Ouais, Reshelled. Reshelled, ah, c'est plate. Pis c'est poche. Et j'étais tellement déçu. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient reprendre Aziz, ce jeu-là, puis comme leur faire propre. Mais non, ils ont essayé de régler, puis je sais pas pourquoi. Mais il y avait rien à régler. Il y avait rien à régler. C'était parfait, mon gars. Là, fallait pas qu'ils se mettent les mains là-dedans. Ah non, fallait là. Juste, tu sais, rehausser le graphisme, puis d'attitude. Ben oui. Là, ah non, ils l'ont scrappé. Je suis content que tu le dises, parce que ça fait mal au cœur. Tu sais, il fallait que ça sorte. Là. J'ai joué à ça. Pis, ah non, Richard, c'est une méga déception. Parce que moi, justement, j'ai pas la cartouche Super NES comme toi, puis tu peux pas l'avoir sur Virtual Console. Non, puis elle est dure à trouver, comme je disais, les jeux de Konami comme ça. Comme Sunset Riders, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu te dis, Grim, je veux jouer, qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu te pognes Reshelled. Ouais, tu te pognes Reshelled, t'es petit déçu. Ah non, c'est clair. Puis là, ça détruit tes rêves de jeunesse, comme il y en a tellement qui ont détruit nos rêves de jeunesse. Mais hein. Ça, garde, tu rejoues maintenant, c'est de la bombe. Ça joue maintenant, là, tellement. Là. Moi-même, Puis le problème, il est un petit peu facile. Je le mets à hard, là. À hard, là, au maximum, tu sais, puis j'augmente pas mes vies, tu sais, je laisse la base, puis tout ça, puis je le passe, là, très facilement, là, tu sais. C'est pas... Moi aussi, il y a le fait que tu l'as fait souvent, là, en même temps. Ouais, mais même à ça, tu sais, je fais pas rien de spécial. C'est pas compliqué, puis tu sais quoi faire. Tu sais, le fameux move que tu le brasses d'un bord, puis de l'autre, ça tue les autres bonhommes. Tu fais ça tout le temps, tu sais, puis tu claires la place, là. Mais à deux, c'est super trippant, là, tu sais. Je sais pas si ça aurait été possible qu'il y ait l'adapteur Super NES à quatre manettes, tu sais, à jouer à quatre. C'est comme le rêve de tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait, là. C'est clair. Mais quand même, à juste même à deux, là, c'est du fun garanti, là. C'est un jeu vraiment bon. Les sprites sont beaux. Tu sais, on leur voit les yeux un peu, il y a un petit gimmick, là. Hi-hi, c'est super, là, charmant en même temps. Puis d'ailleurs, ceux qui écoutent Rétro Nouveau vraiment de façon attentive peuvent s'apercevoir à quel point on tripe sur ce jeu-là parce que la trame sonore se retrouve souvent derrière le show, là, tu sais, parce que elle est tellement écœurante, cette trame sonore-là, là. Tu sais, c'est juste un truc. C'est tellement content, là. T'es tellement heureux. Ah oui, mais c'est vraiment une super bonne track sonore. C'est super bon. Dans les égouts, là. SeaWorld Surfing, là. Oui. C'est rapide. Là. Big Apple, 3M. Ouais, quand tu commences un tableau, il te le dit, là. Ouais. Ah, c'était ça, tellement cool. Ça, c'est arcade au max avec. Non, non, c'est vraiment un jeu parfait. C'est un méga bon jeu. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'à cause de ce jeu-là, les Ninja Turtles, ils ont tout le temps eu comme. Énormément d'attentes par rapport à leur jeu. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me souviens, tu sais, t'as acheté un jeu de Game Boy, tu sais, c'est comme Ninja Turtle! Puis là, finalement, c'est comme les jeux de Game Boy, là, ça fait mal. T'sais. Ça fait mal. Mais c'est ça, tu sais, c'est un excellent produit, puis ça, Christy, c'est trop bon. Là. Ah ouais, c'est un must. Yes. C'est ainsi que se termine le 26e épisode. Dis-moi, quand tu pars, je mets la bouche pleine de chips. Tout le temps, moi, je fais de chips. Ah, j'avoue. Fait que c'était ainsi que se termine le 26e épisode de Rétro Nouveau. Une chance qu'on avait un micro en backup parce que vous avez sûrement remarqué. Le son a shifté. Devinez quoi, des problèmes sont survenus encore une fois. Le micro à Bruno a lâché en plein milieu. On n'a aucune idée pourquoi. Tabarnak! Ouais, on est vraiment écœurés, là. Ça finit plus, là, à soir, là. Il est minuit, puis Chris brique encore, en tout cas. Désolé, mais. Au moins, on avait un micro de backup, fait que l'épisode a lieu et va avoir lieu. Mais c'est ça, on va tenter de trouver notre problème. On va trouver le problème encore, c'est vraiment notre karma, on est pogné avec ça. Moi, en conclusion, j'aimerais dire au monde que le podcast est toujours mieux sur iTunes. Ouais. Parce que sur iTunes, il y a des chapitres. Il y a aussi des images descriptives de chaque truc desquels on parle. Le prix des jeux qu'on mentionne en début d'émission est inscrit aussi. C'est ça. Puis, ben continue. Ben c'est ça. C'est juste la façon optimale d'apprécier le podcast. C'est vraiment de cette façon-là. Je sais qu'il y a du monde qui déteste iTunes, qui n'aime pas ça, tout ça. Ben... C'est dommage parce que c'est la seule façon d'avoir cette version-là. Il n'y a pas d'autre façon. Puis si vous connaissez un autre moyen de faire un podcast puis d'y mettre des images puis de pouvoir l'envoyer sur le web, dites-moi-le parce que je le connais pas. Fait que c'est ça, mais bref, je t'ai dit un coup d'œil, même si que vous soyez sur Mac ou sur PC, iTunes, ça fonctionne, vous pouvez voir le podcast comme puis, ça. Puis si vous le faites pas aussi, on publie un billet, bien sûr, sur notre blog pour chaque épisode, ben, parce que la plupart d'entre vous, vous devez être abonné à iTunes, donc vous recevez l'épisode automatiquement. Si vous posez des questions sur un jeu, genre c'est quoi ce jeu-là, de quoi ça a l'air, exemple Truxton ou Genesis, c'est quoi ce fucking jeu-là, j'ai vu ça de ma vie, ben il y a des liens sur le blog de l'épisode, on fait des liens avec le prix des jeux pour chaque jeu dont on parle. Exact. Donc ça, ces liens-là mènent à un YouTube et puis de gameplay, donc tout est là dans le fond. Ouais. Puis si vous voulez revenir aux anciens épisodes, tout est dans la section épisode. C'est pas dans podcast. Dans podcast. On a changé le nom. Podcast. C'est vrai. Fait que tous les liens de tous les épisodes sont là-dedans. Fait ouais. que vous avez tous les jeux dont on parle. Parce que des fois, les jeux rétro, là, ils sont assez obscurs. Ah non, c'est sûr. Mm-hmm. Puis une autre affaire aussi, grâce à Jean-François Combe qui fait un excellent travail sur les capsules vidéo. Ouais. On voulait vous dire que les capsules vidéo sont aussi disponibles sur iTunes pour abonnement podcast. Podcast, mais en podcast vidéo. Fait vous l'écouter dans l'étobus. Ben oui, dans le métro. Dans l'étobus. Sur la toilette. Partout, là, tu sais. Puis la qualité est incroyable, là, c'est vraiment beau. Fait que téléchargez ça. Puis aussi, je voulais dire que moi, j'envoie tout le temps le podcast. Puis au moment où je l'envoie, je le dis sur Facebook à la seconde près où il arrive. Il y a des gens qui me disaient, comme, ben voyons donc, il n'était pas sur iTunes, c'est parce que. Si tu es abonné à notre podcast puis que tu fais un refresh dans tes podcasts, tu vas le voir dans tes podcasts sur ton ordinateur. Ouais. Mais si tu vas sur iTunes, il sera pas nécessairement affiché là encore. Ouais. Parce que iTunes, ça prend quand même un certain temps avant de processer toute la patente. Sauf que si tu es abonné, tu le vois tout de suite dès la seconde où il arrive. Donc, pour pas te casser le classique, tu likes notre page Facebook. Ouais. Quand tu reçois un post que ça dit, quand tu vois le post qui dit l'épisode est en ligne, ben ça va checker dans ton iTunes, fais refresh, puis tu vas l'avoir. C'est ça. Parce qu'il sera pas sur le blog tout de suite non plus. Non. On l'annonce sur Facebook en premier. On l'annonce sur Facebook en premier. Il est sur iTunes en premier, puis souvent le lendemain matin. Le lendemain ou le lundi, on publie le billet avec tous les liens et toute la patente. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que that's it pour l'épisode 26. Yes, sir. On se voit au 27e. Yes.